Il s'agit du flow de cast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, oui. Oh là. Oh. Oh là. Un orgasme avec une petite toux. Je suis sur la fin. L'homéopathie. Oh, tout de suite. Oh non, mais quoi? C'est pas moi qui l'ai amené hein. Ah non, alors non, là. Bah non, mais non, mais c'est pas Adrien non plus. Non, regarde, c'est cet ange qui passe derrière. Oh, salut le petit ange. Ça m'a fait bizarre de commencer comme ça, je suis ouh. Ah, comment tu vas Pierre? On est avec Pierre Lapin. Oh là, il y a plus c'est le bordel. Eh ben, la vache. Ouais, mais bon. Mais la nouvelle méta. Non, mais c'est la nouvelle méta. C'est la méta. On tente des méta là. Nouvelle méta, exactement. Nouveau décor aussi, mais ça vous le voyez pas. Mais on a un nouveau décor. Nouvelle DA. Nouvelle DA. Vous voyez pas. Nouvelle DA. Je pense qu'il en manque un là. Un peu comme Nouvelle Arkia, il y a Nouvelle Era. Ouais, Nouvelle Era. Je suis une casquette. Ouais. Vous me voyez, mettez-moi sur votre tête. Vous là, je suis dans, on est dans notre podcast Era, j'ai l'impression. Podera. Fini le Brad Summer. Podera. On est là, quoi. Matt Podera. Oui. Oh, oui, non, mais attends. Podera, voilà. Elle me contrôle. Et rythme. Mais pas. Quand si elle me. Ah, bien. Je n'avais pas de répondre pour plus de rien. Sauf au téléphone, parce que je suis quand même. Voilà, poli. Je suis quand même poli. Ça peut être un livreur. Aïe. Alors, oui. Quelle catastrophe. Non, mais si. S'il y a des nouveaux auditeurs. Je suis dans le dernier pot de chias, sinon vous. Vraiment, si vous, déjà vous êtes dit, bon, j'arrête l'épisode, vous pouvez aller écouter pot de chias. Mais non, mais attendez. Oh, mais oui, mais t'as raison de le dire. Écoutez, nous sommes avec. C'est le traditionnel épisode. Oui. Parce que là. Alors, un peu en retard. Oui, mais en retard de quoi méta, en fait, méta. Florent, méta a pris des vacances, il a le droit. C'était ce qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Excusez-moi, voilà, Noël, Nouvel An, c'est des choses qu'on fête. Ah, encore, il... pardon. Il est parti en famille et il a bien le droit. Attendez. J'étais seul chez moi. Non, c'est faux. Arrête. Monsieur a fait un Nouvel An, jeu de société. Non, oui, non, je parle des vacances. Ah, oui, période de vacances, je suis resté. Mais j'étais très content de rester à Paris. Ça t'a fait du bien? Je dirais pas ça. Mais j'étais bien, non, mais de vraiment déjà de me dire. Je suis de tel jour à tel jour, je suis en vacances. C'est vrai que t'as beaucoup enchaîné là cette année. Non, mais en plus, moi je le fais jamais. Donc, tu vois, genre mentalement, je suis jamais totalement en vacances. Et là, j'ai dit, tu coupes. Je suis en vacances. Tu coupes. Si on me dit, tu peux faire ça, je dis, non, je suis en vacances. Oh là là. Est-ce que tu peux on dire que t'as pris soin de ta santé mentale ou pas? D'une certaine manière. Bon, après, là, la santé mentale, depuis. C'est catastrophique, là, le début d'année, mais la fin d'année 2004, c'était très bien. Bah, il y a quand même la mort de Jean-Marie Le Pen qui t'a ébranlé. Enfin, ouais. Ça, c'est vrai. C'est non, mais en vrai, là, je voulais. Racisme. Ben. Je voulais être juste dire un truc sérieux là-dessus, c'est que oula. Je trouve ça horrible, même si, évidemment, on n'est pas d'accord avec lui et tout, mais te marre pas. Se réjouir de la mort de quelqu'un, y'a le droit, Jean-Marie Le Pen est mort. Voilà. Oh, c'est je l'ai bien connu. Je l'ai connu. Jean-Marie Le Pen. Il torturait. Calmement. Vous avez mis bas la mère de Jean-Marie Le Pen, je crois. À la trinité sur mer, j'allais au bal. On le détestait, Jean-Marie, car à chaque fois qu'il venait, il y avait toujours la bagarre. Ah mais tu la perfectionnes d'année en année putain. Je l'aime bien. Parce que vous voyez pas, c'est que maintenant il est vraiment le visage tout est. Non mais le regard est. Oui oui. Voilà, c'est un perso. Voilà. Il est venu déguisé. Mais, faut le dire aux gens, il est venu déguisé. Non mais là t'as tellement une niche, il y a personne d'autre. Sur le coup de ces imitations. Après, pour une raison évidente que très peu d'actu sur Jeanne Calment. Hélas. Ouais, non, c'est vrai que c'est ça bouge pas trop pour Jeanne en ce moment. Mais tu sais, il y a les Slipknot qui font les 25 ans et tout ça. Peut-être pour la farandole, enfin pour l'album, faudrait le remettre à jour. Ça dit la farandole. C'est toi qui as fait. J'en ai parlé dans une vidéo, chez McFly Carito. J'en entends de. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un revival de la farandole. Donc là, surtout tirer ton épingle. Il y a d'autres chansons, les amis. Il y a d'autres chansons. Bien sûr, on en avait parlé. Il fait les stats, ça y est. Et je vous invite vraiment à découvrir, je sais plus, le voyage dans le temps avec. Le voyage dans le temps, il est incroyable. Il est génial. Bien sûr. Mais vous savez, on a mis 20 ans à avoir un nouveau Big Deal. On peut avoir un peu de temps avant d'avoir. Une nouvelle farandole. Une nouvelle farandole. Oh là, putain, il faut qu'on fasse ça. On fait une farandole 2 avec toi qui fais la voix. Ah oh là, vas-y. Allez. Let's go. Je le produis. On bosse dessus. Et gros projet 2025. Vous avez vu le TikTok de Vincent Lagaffe? Il me régale. Ah non. Il est sur TikTok. Ah, celui où il dit. Mais moi, Sledgehammer. Tu l'as vu ou pas? Ah non, je crois que tu disais celui où il dit penser que la Zoubida c'est raciste, c'est faut être complètement idiot. Pas complètement. Vincent. Pas complètement. En plus, il avait bien négocié son retour. Genre, oui. Bah, on peut plus faire ça maintenant. Les temps ont changé et tout. Là, il a vraiment dit. Vraiment, comment on peut penser que la Zoubida est raciste? Il faut être complètement stupide. le scooter volé, quand même. C'est vrai que je trouve qu'il avait un petit pass sur la génération millennials qui sont très acerbes sur d'autres personnalités. Sans comme doute, Sardou, par exemple. Et peut-être un peu grâce à nous, peut-être. Voilà. On a un petit peu. Après, nous, on a enable Bill du Big Deal. Oui, voilà. C'est on n'a jamais c'est tellement vrai. Parlé de. On a dit qu'il disait bonjour, Emily, parce que c'est. Qui est anti-vax, malheureusement. Bill Bill, ouais. Bill est anti-vax. Ah, ouais. Parce qu'il n'a pas la même biologie que nous, c'est normal. Ça le tuerait. Lui, pour le coup, ça le tuerait direct. Mais il y a eu. Alors, moi, c'est quand même. Parce que. Personne n'en a parlé, il y a eu beaucoup de drama pendant les vacances, mais oh, les dramas. Bill a changé de peau, et ça c'est quand même quelque chose. Ils ont updaté Bill. Ouais. Un petit lift, ça un c'est. Petit, ouais, petit botox. Et il a volé le multiple là aussi. Il a volé le multiple. Oui, ça ah. C'est. Déjà c'est multiple là, je rappelle. Oui, c'est pardon, ça. Ouais. Mais il a montré la facture et il avait le droit, c'est pas du vol, il l'a récupéré. Il a récupéré le Bill. Comment sont passées vos fêtes, Pierre, toi? Bah je n'ai. T'en absolument pas... rien fait. Mais oui, il y a eu. Y a eu mais une pourquoi petite, petite nouveauté dans sa vie celui-là. Bah tu sais. Avant, c'était tout pour moi, quoi. Mais maintenant, il n'y a plus que mon ego, il y a deux égos, il y a ma fille qui est là. Et tout ce que je fais, c'est pour elle maintenant, quoi. Est-ce que tu ne serais pas devenu le second rôle de ta propre vie et ça te fait du bien? Exactement. Wow. Sur le théâtre que ma vie est apparue, le nouveau main caractère, ma fille Ninon. Oh, nouvel art, Dadira. Oh là là. J'irais plutôt Papounera. Oh là là. Tu vois, ouais. Voilà. Non, mais j'attends les invitations à tous Pierre les podcasts. Pierre la paire. La paire, il n'y en a pas deux, même, j'ai envie de dire. Ouais, oui. Non, non, mais c'est un bonheur et du coup, je n'ai rien fait et donc, du coup, j'ai. On est resté tranquille à la maison et ça m'a fait beaucoup de bien de c'est pas chouette, mettre hein. La pression sur les Noëls, surtout que en vrai j'ai cette chance d'avoir tout le monde, mais qui dit oui, avoir tout le monde dans sa famille. Prends ça comme une un brag, un flex face à moi en fait quoi. C'est pas le flex moi, j'ai que la vous chance d'avoir votre famille. J'ai la chance d'avoir tout le monde moi. Oui bon. Pas comme certains. Non, ringard. Mais bon après. Non c'était pour contrebalancer, je voulais pas être ingrat, mais je disais juste effectivement. Non mais évidemment que c'est une chance. De multiplier. Multiplier. Multiplier. Multiplier. Attention, Christo de Mante. Je pleure. Petite ref. Non, mais j'ai tous mes grands-parents, tout ça, donc ça fait quadruple réveillon. T'as divorce. Tous tes grands-parents? Ouais. Wow. Wow. Dont la grand-mère qui m'adore. Exactement. Il y a une grand-mère qui adore Adrien. Mais les grand-mères, non. En général, adorent Adrien, hein, faut le dire. Sauf la mienne. Malheureusement. Bah, tu es un peu le Pascal Sevran de oui cette génération. Oui, c'est vrai. Ouais, les vieux t'adorent. Comment... Ouais, non, en vrai, si. Moi, je serais ravi, moi. Mais oui. Et Pascal Sevran, j'étais tombé. En gueule des Rissa, ou ouais, oui, oui. Je sais plus. En clignant fort des Pascal yeux. Pascal Sevran qui oui. Engueulait toujours son oui. Réal, ou je sais plus. Mais il disait oh, Tintin. Tintin, oui, Tintin. Tintin. Tintin. Tintin. Bah, je ne vois oh, pas Tintin. La caméra, Tintin. Écoute, ah, il s'est trompé, Tintin. Il s'est trompé, Tintin. Ah. Allez. Oh, qu'est-ce que tu viens de faire, Pascal? De quoi, il giflait? Non, ah non, ah, oui, d'accord. C'est Patrice Lafont. Non, ouais, ça, Patrice Lafont. Ou alors notre Premier ministre. Oh oui, Bayrou Herrera. Oh, la Bayrou Herrera. C'est inaudible cet épisode, c'est terrible. Mais à chaque fois qu'on dit fois, ça, voilà. C'est les meilleurs. Mais oui, mais après, attention, parce que voilà. Pour que vous relancez, vous, vacances très cool. Je suis très heureux d'être père. Et vous, et toi, tes vacances? Oh, on sent l'animateur de oh là Pardon, j'ai pété. Non, non, on sent qu'il a. Le podcast. Oui, non, mais attends. Non, écoute-moi très bien. J'étais en fait. Moi, ça, tu, alors peut-être tu vivras ça vu que t'as tous tes grands-parents. Ouais. Tu deviens le point névralgique des autres familles. Enfin, de la large famille. Ce qui peut m'angoisser. Ce qui peut angoisser, mais ce qui est attention. Cool aussi. Parce que du coup, tout le monde vient. Et... Ah, je pense pas. À toi, tu préfères aller chez chacun? Ah non, mais même qu'il y ait. Que des gens se re-rencontrent, je ne peux pas l'imaginer. Non, mais re-rencontre, t'es pas obligé. Ah oui, nous, ah oui, donc t'as tout le monde, mais tout le monde n'est pas en bon terme. Bah, le divorce, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, hélas, ouais. Mais oui. Nous, ouais, nous, mais ça, tu organises une sorte d'agenda. Oui, c'est ça. Où voilà, il y a des départs à 14h, oui, des arrivées voilà, à 16h, okay. C'est vraiment, c'est la gare de Lyon chez WAM. Okay, c'est vraiment les trucs de. On essaie de caler les trucs. C'est genre qu'il y a des gens qui jettent leur merde sur des passants. J'ai fabriqué un authentique relais dans mon salon, vous pouvez trouver tous les magazines. T'as bien vu ça, le mec qui avait jeté sa merde? Non, j'avais pas vu ça. Non, il y avait un mec, bon, a priori, avec quelques petits. Oui, oui. Une instabilité, quoi. Oui, qui, oui. Avait, qui était à poil, non? Ah oui. Il était totalement, entièrement à poil, en train de hurler. Il s'était chié dans la main, il l'avait jeté sur un passant, quoi. Donc, évidemment, moi, déjà, quand je me fais une petite tâche, ça me gâche ma journée. Bon, si j'étais un clodo, m'a jeté sa merde, je serais très de mauvais poil. Mais si on prend de la hauteur, c'est un peu drôle. Vraiment, en plus le mec il tente une esquive et tout vraiment de. Mais je crois qu'il a été atteint. Oui. Et les gens sont assez chill à côté, je oui, trouve. Oui, autour, ouais. C'est un spectacle. Comment j'étais les chimpanzés au zoo qui balancent leur merde. Moi j'ai fait Chalon dans la rue, et Chalon dans la rue, c'était pas loin de ça. Mais ça en dit quand même beaucoup sur Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mec à poil qui jette sa merde et les gens sont genre. Paname. C'est Paname. Par contre, en revanche, un train qui a 20 minutes de retard, ouais, hurlement. Ouais. Hurlement. Quoi ? Même le mec qui jette sa merde fait non, ouais, quoi, ouais. Pardon. Putain, déjà que l'appli elle déconne quand on met le truc, ça met la page d'accueil. Oui, mais vous avez la main pleine de merde. Oui, bon, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est pour ça. Je vois vous voulez en venir. C'est vrai qu'on a des beaux PNJ. Il y a PNJ RA qui l'a entendu. Non mais tu sais, entre celui qui jette sa mère et celui qui boit des godets de pisse. Ah, il y a eu ça aussi. Oh là là, ça, bon. Ça me dégoûte. Mais vous êtes féru de parcours un petit peu. Mais tu l'as pas vu. Mais non, ça mais moi je suis plus sur les réseaux. Je suis plus sur les réseaux. On est vraiment sur le floodcast Era, enfin, ouais, d'origine quoi. Mais non mais en gros vraiment un souper qui a été pris en flagrant délit. On va pas dire les détails. Adieu, odieux Bobby qu'on embrasse, qui est un photographe de talent, qui avait fait une vidéo en manifestation. Effectivement, je crois que c'était Strasbourg-Saint-Denis, au niveau de la porte Strasbourg-Saint-Denis, et ce monsieur, ce bon croûtenard. Ah, mais donc on va dire les détails. avait laissé un coke-up et tout le monde pissait dedans. Voilà. Et là, vous ne le voyez pas, mais Pierre fait tourner son hand-spinner. Quand il nous dit ça. Que je lui ai offert. Oui, Adrien a offert pour Noël. Parce que c'est aussi ça, parce que les fêtes de fin d'année, c'est aussi Noël. Ouais. Adrien, il revient avec deux cadeaux de Noël ce matin. Il a ramené un hand-spinner à Pierre Lapin, qu'il utilise là tout de suite. Ouais, vraiment, il l'adore. Et c'est fluide, ça ne fait pas de bruit. Il est un peu le hand-spinner de Batman. Genre, il est un peu ninja, un peu. Oui, ouais. C'est ça, un petit peu comme. Battering! Wow. Ça nous manque le dubstep quand même. Ça va revenir. Pourquoi pas? Ça va revenir. Ça va revenir loin, je le sens. Ouais. Comme les Bratz. Ah, oui. Vous l'avez pas? Si. Les Bratz Sommer, bien sûr. Non, hein? Oui, les poupées. Non, ouais. Oui, ah non, mais on m'a dit. Alors moi, c'est. Clara et ses amis ES sont bien venus sûr. À la maison. Enfin, Clara était déjà là, hein, elle est pas, oui, pas oui, partie. Oui, non, oui. Mais je le dis parce que c'est ça va vite. Petite vidéo, ma vérité qui va sortir sur Clara. Non, et il y a un nouveau truc d'une des nanas de BTS. Et genre, c'est des espèces de petites poupées que tu mets sur tes sacs à main. Tu l'as pas vu passer, toi? Oh, tu parles des petits gros bébés là? Ouais, voilà, un peu dégueulasse. Petits gros bébés. Des petits gros bébés. C'est mettre sur ton petit GSM. Mais. Non mais vraiment c'est des espèces de tu peux unboxer. Alors, c'est ça. Ouais, désolé. Après j'ai vécu un mois au Canada, je peux le faire. Ah bah c'est bon, bah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui bah voilà, c'est des trucs que tu mets et ça a des yeux bizarres, des bouches et tu sais pas, parce que ça c'est ce fameux truc. NFT ça. C'est des NFT. Comme les Saint-Gilles Mondivic. Mais c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Non, et pareil, c'est ce truc très japonais qui moi m'énerve. C'est tu sais pas ce que t'achètes. Le gacha. C'est une boîte et tu ouvres et tu découvres bien ton sûr. Truc. Ça moi ça me rend. Le gacha qui est interdit en Belgique. C'est très. Et la France. Non tout mais ça. C'est vrai que parce que tout le monde se. Enfin excusez-moi je vais employer un terme. Tout le monde ponce l'application. Oh là là. Pokémon TCG Pocket. Mais pensons à nos amis belges qui n'ont pas cette application. C'est très triste. Juste j'en profite. Vas-y, je t'en prie. Parce que j'ai parlé d'Ivic, ça m'a fait penser 23 enfin là bientôt là 23 ouais. 25 janvier je crois oui. Il y a les NBA Paris Game. Ah oui ouais. Oui. Invitez-moi. Si, invitez-moi. Voilà. Ah voilà, c'était tout. Au lieu de m'inviter message, à des trucs dont j'ai rien à foutre. Waouh, vexant. Non mais que. Mais j'ai quand même la malédiction de quand on me propose des c'est trucs, vrai. C'est souvent des trucs genre pourquoi me proposer à moi. Bien c'est sûr. Là. Voilà, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est dans le milieu là, qui peut voilà, invitez-moi, donnez-moi. Allez. C'est pour ta santé mentale. Trois places, c'est pour ma santé mentale. C'est exactement. Important. Voilà, ça s'appelle des labubus. Je réclame. Non mais je voilà. Réclame, voilà. Je vous le dis, c'est des labubus, vous les pouvez les trouver dans des pop smart. Et voilà, c'est ces petits trucs, des non, petits animaux. Immonde. Ok, d'accord. Voilà. Ah, mais Et ça cartonne ça. Ça cartonne. Voilà, je vous et par dis. Contre, je tiens à rebondir. T'as fait Macron un peu là. Ça cartonne. Ça cartonne. Non, je ne vous permets pas. Mais, oh, j'aime beaucoup. Tu mais fais. Ah ouais, il l'a salé. Ah ouais. Oh, mais alors, c'est ça 2025 qui va faire et Macron alors. Et est-ce que. Oh, j'en place une. La dernière vidéo d'Amixem avec les imitateurs m'a régalé. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai pas fini parce qu'elle dure 1h10, mais elle était bien. Même, j'ai envie de dire. Bon, après, Paul Mirabel, évidemment, mais. Je me suis dit, ah, il aurait pu nous inviter, ça aurait été marrant. Mais il y a une nouvelle, excusez-moi, il y a une nouvelle era d'Adrien Méniel. Qui réclame ça... Non, les amis. Adrien ne réclame pas. Il manifeste. Je manifeste. Ah oui, c'est vrai que tu manifestes. C'est du manifesting, excusez-moi. Par contre, là, je manifeste du coup après. C'est arrivé, donc ça ne sert pas. Non. Mais je me suis dit, ah, on se serait régalé. Après, évidemment qu'on nous invite pas. Enfin, tu veux dire, il n'y a pas de. Par exemple, Paul Mirabel, en termes de célébrité, de gens que ça attire. L'imitation, ouais. Mais imitation, oh, bon. C'est, ah, c'est ça. Moi, j'ai regretté ça d'ailleurs. Moins de vues, ça aurait fait moins de vues. Non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas, il aurait dû nous inviter. À Mixem, t'aurais dû nous inviter. Debunk, t'aurais dû. Nous, on t'a invité, en fait. Tu te prends pour qui? On t'invite. On t'invite. Tu te crois meilleur que nous? Déjà. Non, mais si tu fais un jour un truc dans une cabane et tout, je peux pas dire. Ah oui. Non. Mille couches d'imitateurs. En plus, le pire, c'est que je dis ça et après si on m'invite, je dis non parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai une angoisse et tout. Donc c'est horrible, je suis vraiment une merde. Santé mais j'ai juste regretté qu'ils ne fassent pas eux-mêmes chacun une imitation. De temps en temps. Ouais. Non, mais au moins au début, tu vas dire, allez, vous faites chacun une imitation. Pour même nul à chier, tu mais vois. Pour... Mais au début, ils font pas ça. Je suis pas sûr. Peut-être Thomas, mais bon, on va peut-être pas parler. Oui, allez. Et pourquoi pas? C'est la nouvelle ère. C'est la nouvelle ère. Tu n'as rien, c'est ça? J'ai rien, je suis en discussion. Je suis free from desire. Je suis chatting. Le Pen est mort. Le Pen est bien décédé. On peut être triste, on peut se réjouir aussi. Pourquoi pas? Et après, on peut subir une tristesse qui est. Qui a pas de fin, tu veux dire? Qui a pas de fin, infini pour. David! David Lynch! Tu nous as enrubané de mystère avec tes films! Univers fantasque, tu nous as régalé! Il avait des grands cheveux! Top 3! Ouais, c'est bon! Top 3, t'es David Lynch préféré, Adrien, bien sûr! Pour moi, tu peux Lost Highway, tu peux pas. Ouais. En fait, si t'aimes pas Lost Highway, t'aimes juste pas Lynch! Ouais, bah non! C'est l'essence là! Quand tu dis Lynch, toi, dans ton intimité, tu l'appelles plutôt David, je crois. Des Lynch. Dada. Dada. Dada. Dada Lynchos. Ouais, bah après, Twin Peaks. Bien sûr. La série, le film? Plus la série, moi, ouais, j'avoue. Bah ouais. Même la saison 3, du coup, toi. Ouais. Ouais. La bûche, là. La bûche. La femme bûche. Moi, tu vois, pour Halloween, mon déguisement, ça peut être juste j'ai une bûche dans les mains. Et ceux qui savent en fait. Oh, mais dingue. Mais après je suis bizarre. Ouais. Mystérieux. Ouais. Et non, le troisième Lynch que. Bah, Hobbs and Shaw, bien sûr. Quoi? C'est un Fast and Furious. Le troisième, j'avoue que je préfère le garder pour moi. Ouais, ok. Je comprends. Bah oui, mais il est dans sa secret. J'ai peur de pleurer en fait si j'en parle. C'est encore tout frais. Même Holland Drive. Oh, Mel Holland Drive. Oh. Ah si. Allez, c'est ça le jeu pendant tout le. Je ne suis pas Booba, je suis François Hollande. Il a vraiment dit ça. Je suis François Hollande. Oui. En parlant de jeu. Oui. Il y a une nouvelle méta en ce moment. C'est des gens qui m'envoient des DM pour dire hey, tu devrais faire ce jeu. C'est un jeu qu'on fait avec des potes. Tu devrais le faire dans le podcast. Et c'est un jeu que j'ai inventé. Yes. Ça fait vraiment deux fois qu'on m'envoie vraiment ensemble. Littéralement les films qui baissent ensemble en disant hey, on fait ce jeu avec des potes. Tu devrais le faire. Je fais, oui, bah c'est. On le fait. Je le fais depuis 10 ans. Et voilà. Un connard là. Une église. Non, mais un connard un peu. Depuis 10 ans. Je crois que c'est le depuis 10 ans qu'a fait basculer. Peut-être, ouais. En fait, on pouvait entendre tout ce que tu dis. De justifier. Non, mais je me suis senti être une merde. Ouais. Nouvelle era, une fois de plus. Non, mais c'est drôle, je dis pas. Ouais. Non, mais. Ah, je l'ai on mal va, dit. On va couper. Vas-y, je le refais. Bah, ça me fait grave plaisir quand vous m'envoyez des jeux. Même si c'est des trucs que j'ai déjà fait, parce que ça prouve qu'on on a une connexion. En fait, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce que j'ai fait. Bien sûr. Donc voilà, en fait c'est juste cool de se dire bah la questionnaire c'est folle. Vous vous dites ah ça pourrait plaire à Adrien et effectivement ça me plaît puisque je l'ai déjà fait et c'est trop cool franchement. Non mais tu vois le cache-cache, le cache-cache, on sait pas qui l'a inventé mais c'était tellement ancré dans la culture populaire qu'on a même plus besoin de dire Adrien ou quoi que ce soit. C'est beau ce que parce qu'en plus que j'ai inventé le cache-cache. Oui, c'est la la sardine tout ça. La sardine. C'est la nouvelle formule de cache-cache. C'est dès que tu trouves la personne, tu restes avec elle et donc du coup ça s'agglomère. Oh, pas mal. Et c'est pas mal. La petite sardine. Je savais pas qu'on avait mis à jour le cache-cache. Non, mais c'est une. C'est vieux, c'est un DLC. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est un DLC. Ah non, mais si c'est un DLC, d'accord. Et c'est payant. Non, free to play. La plaie du gaming pour moi. Le freemium. C'est vrai qu'en 2025, en plus, tu lances ta chaîne gaming, Adrien. Ah, mais non. Je savais pas ça. Ouais. ça. Non, j'ai un peu envie. En vrai, j'ai un peu envie de revenir sur Twitch, mais oh là là. Ça c'est terrible. Hein. J'ai remis mon setup OBS à jour. Tout est nickel. Je me suis racheté une webcam et tout. Là, tout est prêt et tout. Zéro stream. Genre, ça va revenir. Je suis juste là, genre bon, c'est bon. Mais là, c'était les vacances. Mais non, mais c'est dit. Typique de moi, ça. Mais je suis ça, pas toi, un complétionniste, moi. Mais je c'est ce qui te rend choses. Heureux, c'est de faire les choses. Oui. C'est comme quand tu te branles, tu mets tous tes onglets, les 30 onglets, et au final, tu regardes aucune vidéo. Et au final. Non, mais moi tu... oui, non, mais je sais que toi, t'es comme ça. Mais toi, t'as un donjon sexuel pour te masturber. Un donjon de sexe. Non, moi, je vais pas au bout des choses, c'est terrible. Mais attends. Je mourrais très triste. Est-ce que c'est. Et pauvre. Les couilles pleines de sperme. Non, ça, je pense pas ça. Mais tu dis que tu finis jamais, t'es dans le. Ah, quand même ça. Les... Okay. Non, les trucs sur très court terme. Et Dieu sait que c'est court terme. Mais est-ce que ce serait pas, est-ce que ce serait pas une bonne résolution? Ah oui. Mais c'est ma bonne résolution depuis 20 ans, mon pauvre. Oui, bah, allez, c'est cette année. Et d'ailleurs. Et c'est quoi, du coup? Vas-y. Formule-la clairement. Alors attention. Tu te dis. Trois projets. On m'envoie pas des DM. Et la meilleure façon de te motiver, c'est que tous les auditeurs de ce podcast t'envoient quotidiennement des petits rappels pour te motiver. Non, mais finir trois projets qui te tiennent à cœur, toi. Parce que quand Adrien il est engagé par des gens, ouais. Il tient les deadlines. Oh là il là. Va au bout. Et c'est vachement bien. D'ailleurs, ça c'est bien. C'est pour lui-même qu'il arrive pas à Pourquoi t'as fait un accent pied noir? C'est pour lui. Alors, ça va pas ou quoi? Le Pen, le Pen. Il s'est malheureusement réincarné en moi. Donc ça va être très compliqué cette année. C'est bien, cela dit, c'est bien de rappeler que je suis scénariste. Oui. Parce que. Manifeste. Je parlais de films avec un ami podcasteur que je ne nommerai pas, il s'agit d'Urbain. Je lui dis ah putain, mais pas mal. Il me parle d'une idée de film. Je lui fais ah putain, mais elle est bien ton idée, tu devrais bosser dessus. Et il me dit ah bah je vais en parler à Flaubert. Je fais oui, sinon avec moi. Je comprends. C'est mon métier également, donc je le rappelle. Mais tu manifestes pas assez, ouais, c'est comme moi, t'es pas. Trop romantique, tu penses que les gens vont venir vers toi. Mais oui, c'est ça. Donc je rappelle que c'est également mon métier. Il est auteur. Je suis auteur, Hot Ones. D'ailleurs. Oui. Ah putain. Créateur de buzz. Créateur de quoi? Non, vas-y. Non, t'allais dire. Ouais, c'est H. Ouais. Petit Robert. Ouais, ça y est. Masterclass Gothès. Explique aux gens, Adrien. Parce que les gens ne savent peut-être pas, les gens ne regardent peut-être pas Hot Ones. Les gens ne savent pas qui est SCH. Il y a le dernier, donc je suis auteur pour Hot Ones, voilà. Et il fallait un happening. Et il installe un truc là. Ah non, mais oui. Non, mais t'as vu, ça s'est calmé là. Et donc l'idée est arrivée de dire, ça serait marrant. En gros, je rebondissais sur l'idée de mon co-auteur qui était genre demander à SCH, c'est quoi ta définition d'agaté? Et j'ai dit, mais ce qui serait encore plus fort, c'est on fait venir quelqu'un du petit Robert. Et pour élaborer la définition avec lui et éventuellement dire peut-être on va le faire rentrer dans le petit Robert. Et là je fais un gros big up à la prod parce qu'il reste, c'était vraiment, il restait peu de temps et ils ont trouvé bam la personne bam ok c'est bon elle vient et donc masterclass à mes yeux. Bien sûr. Je veux dire que là j'aimerais quand même dire quelque chose. Parce que si ça rentre dans le dico, c'est incroyable, c'est fou. C'est Adrien a créé une news du podcast presque. Ah bon. Ça pourrait être ça. Bah oui. Ah oui, c'est oui, genre, oui. Quel mot nouveau a intégré le petit Robert? Oui, c'est vrai. Gâté de SCH, oui. C'est un peu surprenant. Bon, alors donc, après, je me permets de débunk. Moi, je n'avais pas écrit la question en disant qu'il avait inventé le mot gâté. Ah, on avait bien dit, tu l'as popularisé. Bon, il a été dit dans l'émission qu'il l'avait inventé. Et, à ma grande surprise, je pensais que SCH avait dit, c'est tout le monde le dit là-bas. Non, il a dit, oui, je l'ai inventé. Donc, tous les commentaires, évidemment, c'est, il l'a pas du tout inventé. C'est vrai, mais voilà, mais bon. Ruinez pas tout. Et la commission, c'est mai ou avril, c'est ça? Je crois, oui. Ok. Je crois. C'est ça, c'est le. Petit cadeau d'Anif pour Méniel. Avant d'officialiser l'entrée de l'expression dans le dictionnaire, il faut qu'une commission se réunisse pour examiner tous les mots candidats à l'entrée du petit Robert et décide donc si l'expression utilisée fréquemment par les SCH, son public et la jeunesse, notamment marseillaise, mérite d'être intégrée, comme le président de nos confrères du Figaro. Je lis femme actuelle à l'heure actuelle. Femme actuelle à l'heure actuelle, mais je jongle avec les mots. Oh putain, mais merde. Le Larousse propose déjà une définition du mot gâté. Oui, un câlin. C'est ça. Et attends, putain, il y a de la pub dans Femme Actuelle. Venant du sud de la France, faisant référence à un câlin sans les pronoms mon et ma. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je ne peux pas vous laisser dire si vous m'invitez. Non, mais Je sais plus ce que je voulais dire. Rien. Que les... Méniel Théopting. Les gens peuvent aider en quoi que ce soit, peut-être. Je pense pas. Il y a une manif, place de la République, jeudi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Non, mais non. En vrai, et c'est comme ils le disent très justement dans l'émission. S'il y a eu le mot cagole qui est rentré dans le dico, bah mettons mon gâté, quoi. Bah, c'est deux expressions très populaires dans le sud de la France. Ça a sa place. Mais ça a sa place totalement. Et mettez la photo d'Adrien d'ailleurs, voilà, dans le dictionnaire. Oui. Dans bah, à rajouter, c'est son idée. Car il est auteur et scénariste, on le rappelle. S'il y en a qui cherchent. Non, je voulais vous lancer sur les bonnes résolutions parce que j'ai le. Ah, est-ce que je peux. Dis-moi, je t'en prie. Je peux permettre quelque chose. Alors là, tu vois bien qu'il n'a rien. Principalement aujourd'hui, tu te permets. Est-ce que je peux faire comme un youtubeur et je peux dire extrait vu que c'est la bonne année? Ah non, je déteste ça moi quand ils font ça, mais vas-y, fais-le. Ouais, mais est-ce que tu peux juste mettre bonne année pour baiser de Camping Orchestra pour annoncer les nouvelles résolutions? Ok. Voilà. Alors attendez, je suis pas connecté, je mais le ferai là, on est en live. Ah oui, et je sais pas, au montage ou quoi que ce je soit. Je le ferai au montage, je vais quand même vous le faire écouter parce que c'est quand même. Parce que je pense que c'est important et du coup, faut mettre la lumière déjà sur Sevran et en plus sur cette chanson. Pascal, bien sûr, on y revient. Mettons un peu de lumière sur Pascal Sevran. Et donc, du coup, tout le monde effectivement est sur les gros nichons, tout le monde est sur. Oui, qui sont des classiques, qui restent des classiques. D'ailleurs, ne faisons pas les esthètes. Ouh. Les gros nichons restent un classique. Non, et on était prums dessus et parce que maintenant tout le monde fait des blagues dessus, c'était nous d'abord. On est ensemble encore pendant une bonne heure et on va s'écouter Bonne année pour baiser avec Augustin Trapenard et de Camping Orchestra, issu de l'album Le top des chansons cochonnes number 2. Retour des Daft ou rêve? Douze coups de minuit, nous voilà tous réunis. Pourquoi faire? Pour une partouze entre amis. Tu m'étonnes. Un réveillon réussi. Ah ça je te le fais pas dire. Petillant sur paire de seins. Chque. Comment ça? Poil de couilles et serpentin. Sacré alliance. On les tient par le zizi. Ça fait mal. La danse du tapis. C'est-à-dire. Attention, les gars, pour le départ. Attends. Tu vas pas me dire que c'est pas une bonne année pour baiser, attends, tu rigoles ou quoi? Pourquoi? C'est le nouveau qui ça. Année pour baiser. Oh ouais! Que le cul vous soit léger. J'espère bien! Bonne giclée, bonne sucée. Ouais! On vous invite à niquer. Et bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, non, je pense que c'est important de reprendre sur les bonnes bases. Voilà. Et les résolutions, Florent. Non, mais voilà, est-ce que vous savez quelles sont? Parce que voilà, il y a des sondages qui sont sortis. Faire du sport, bien sûr. Alors, faire du sport est deuxième. Ce qui m'étonnait, je pensais qu'il était premier. Et oui, j'ai l'impression que c'est ce qui revient le plus. Mieux manger, peut-être. Écoute, ça ne fait pas partie de ce que prendre soin de sa santé mentale. Alors, sache que effectivement, c'est quatrième. Oh là là, 15% des Français déclarent à vouloir prendre soin de leur santé mentale. Mais après, mais c'est une bonne chose. Non mais on gague, on rigole. Non, parce que c'est comme tous ces thèmes où c'est-à-dire que avant, soit on n'en parle pas du tout, soit ça devient tout le monde est obligé d'en parler pour un oui ou pour un non. Oui. Et c'est un peu énervant, mais au final, ce qui reste, c'est toujours mieux qu'on en parle que qu'on en parle pas. Et c'est ce qu'on caricature ici, bien sûr. C'est la surutilisation du terme. Non, c'est la surutilisation du terme santé mentale et pas la santé mentale elle-même qui est effectivement quelque chose galvaudé. Dont il faut prendre soin, évidemment. Le top 10 des résolutions, donc deuxième, le sport, santé mentale, quatrième. Okay, mieux cuisiner. Écoute, non, la nourriture ne fait pas partie c'est fou, de tout ça. Hein. Ouais. Parce que pour moi, en plus. C'est la tienne, j'ai l'impression, un petit peu. Moi, je mange bien, moi, déjà. Moi. Non, mais peut-être. Oui, pardon. Je fais déjà. Non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez lié, moi, je trouve. Pour moi, à titre personnel, ouais. C'est un peu mon outil de self-care numéro un, c'est de me faire à manger bien et de. Voilà, c'est. Ta cuisine est ton safe place. On peut le dire. Ok, alors. Je suis délicieux dans le don. Allez, raté. C'est raté. Je vais me resserrer un petit verre d'eau. Attends, qu'est-ce qu'on a comme bonne résolution? Essayer de trouver l'amour. ça n'en fait pas partie. Ouais, ça n'en fait plus partie. Oui, censurer le gouvernement. Oh là là là. Numéro 1, ça, c'est pas le Parti Socialiste qui va prendre cette résolution. Oh là là. Les traîtres. Oh là là, Pierre, attention. Pierrot. Olivier, pas si fort. Pierrot. Oh non. Olivier faible, tu veux dire. Oh, arrêtez, calmez-vous. Mais on est sur écoute. Ouais. Je vais me flinguer. C'est peut-être ça la numéro 1. Moi, je suis fiché S comme sexe. Ça existe ça comme t-shirt ou pas? Parce que sinon on le fait. Faut le faire. Allez, prochain merch podcast. Fichier S pour sexy. On donne 5% Pierre. Ok, d'accord. Ok, trafic. Je crois que c'est Adrien qui l'a inventé. Oui, de mémoire. Ça, hein, oui, ok, pas baiser. Alors que c'est une bonne année pour baiser. C'est dommage. Bah non, on se le souhaite. Oui, en tout oui, cas. Oui. Après, j'ai l'impression que, aux yeux de Camping Orchestra, chaque année est une bonne année. J'ai un peu l'impression que c'est. Mais moi j'adore quand ils parlent couilles, quand ils font couilles, là je sais plus. Poil de couilles et serpentin. Oh. Là il y a un truc, c'est là que tu te dis qu'il y a comment. Comment ça se retrouve dans la même. Poil de couilles et serpentin. Non mais quand ils repensent, ils font. Non mais c'est le groupe que de free jazz que je sors. L'année prochaine. Poil de couilles et serpentin. Oh là là. On dirait deux marionnettes pour enfants, mais très problématiques. Alors poil de couilles et serpentin. C'est... On a la même voix, j'ai l'impression oui, déjà. J'ai raté. Ou deux rappeurs blancs conscients. Ok. Passer le permis de conduire. Non. Devenir propriétaire. Oh, à la manière de Fouini. À la de Fouini, oui. Non, écoute, ça n'en fait pas partie. Partir en vacances. C'est le numéro 1. Mais voyager. Voyager arrive en tête des bonnes voyager, raisons. Voyager, bien sûr. Bien sûr. Vous avez choisi le mode de transport le plus économique, si vous avez choisi le train. Seul à 100%, ouais. Par contre, apparemment. Je rappelle, oui. Parce qu'il avait fait le SNCF Connect. Alors qu'il nous envoyait des messages. Ah bah pas moi mais. Non mais sur le compte Insta du Floodcast. C'est-à-dire qu'il grattait Il grattait notre buzz. Je peux pas le dire mieux. SNCF Connect grattait notre buzz. Offrez-nous des voyages en train. Je sais pas, je réclame. Non mais moi je veux du terre à terre. Je veux du concret. Du voyage en train. Très bien. Offrez-moi sinon je sais pas des. Un train. Mais pourquoi pas un train. Du filament PLA pour mon imprimante 3D que j'ai. Oh là là là. Monsieur Bamboulade. Non là là il a mis le doigt. Il a mis le doigt sur la grosse actu. On y reviendra. Okay, tu veux pas le lancer comme ça. C'est un segment de l'émission. Non mais c'est une ERA donc je préfère. Comme c'est une ERA je non mais on le garde pour un autre segment de l'émission. Très bien. Donc oui, voyager arrive en tête des bonnes intentions avec 21% des Français qui placent cette ambition en priorité. Cette aspiration est particulièrement marquée chez les plus jeunes. Okay. 23% des 16-24 et 26% des 15-30. Oui, bah oui, bah des 25-34. Ouais, votre âge, j'ai pas foutu les pieds hors de chez moi. Donc et l'argent. Non, mais bah, c'est leur envie, c'est leur résolution. Ah oui, leur envie. Ouais. Ils mettent les voyages en haut de leur liste. Ça oui, mais n'arrivera c'est, pas. Vous savez que c'est des jeunes qui ont vécu le Covid. Ah, et ils manifestent en fait. Ouais, c'est ils ça que je. Donc deuxième, faire du sport. Okay. Alors troisième, on l'a pas. On n'a pas la troisième, on n'a pas la cinquième, on n'a pas la sixième. Smarrer peut-être. Juste smarrer quoi. Smarrer un peu plus. Taper une bonne barre. S'ils veulent ça, vous pouvez écouter nos conneries qu'on balance depuis tout à l'heure. Ce mec est dingue. Et en parlant de se marrer, j'étais au festival de l'Alpe d'Huez de la Comédie. Ouais, moi aussi, il m'avait invité tout. Non, je suis personne aux yeux de tout le monde. Non, mais écoute, c'était très sympa. Mais tu sais que je pense que ça aurait été difficile pour toi parce qu'on a fait une rencontre jeunesse. Beaucoup plus de gens qui ont une carrière meilleure que moi. Non. Peut-être. Peut-être mais pour on a ça. Fait une rencontre jeunesse devant 400 jeunes. Qui ont. Il y avait moi, Lily Aubry et Adrien Holmé. Ah, génial. Mais oui. Ils sont bafas. Je veux dire, pas, les mêmes que la dernière fois. Ah non, il n'y avait pas Baptiste. Okay. Non, il n'y a pas Baptiste. Baptiste était venu pour un autre film. Non, mais on a parlé avec des jeunes et c'était très marrant parce que je pense. Ils avaient vu le film, mais c'était leur sortie scolaire et vraiment c'était hilarant. Et alors des jeunes ont dit que je ressemblais à Sora, un youtubeur. Ah, Sora, je vois un peu. Et voilà, vraiment, vibe, ouais. Et je crois que c'était pas une blague. Un gamin m'a dit, ouais, excuse-moi, t'es Sora. Plus que Mescal. Ouais. Bah, j'ai préféré Mescal. Je suis désolé. Oui, je comprends. T'es dans ta Sora Era. Je suis dans ma Sora Era. Ouais. Alors, qui était dans les traîtres version web. Ah d'accord, ok. C'est ça. Sora. Non mais moi je connaissais pas. T'es sûr qu'il a pas dit Soral? Non. C'est pas moi qui le dis. Excusez-moi, vous êtes à la Soral? Oui, je vois. Dans sa dernière vidéo, il a un bonnet et tout. J'avais un bonnet, donc je pense Là, voilà. Non, mais je capte. Non, mais regarde la vignette. Bon, c'est moi et David Guetta. Mais regarde sur la première photo, tu vois, il y a un petit truc. Je vois le délire. Est-ce que du coup les quoi que non, tu sais quoi, c'est un mélange entre toi et le mentaliste du loup-garou. Ah, effectivement, c'est vrai. Je vois où tu en venir. C'est un mélange entre. Je vois où tu en venir. Est-ce qu'ils employaient beaucoup de fois le mot gênant? Non, écoute pas boosté, trop. Ils ont dit que t'étais boosté ou pas boosté, ouais. Non, mais je me suis pris une quantité de four terrible. Ah, yes. Ça, c'était vraiment. Ah, t'as fait des blagues et bide. Ouais. Bah oui, mais. Quelqu'un t'as oublié dit, que nous, notre public, c'est des ringards. Oui, oui, oui, c'est ça. Bah, ça. Je me suis pris en pleine gueule. C'est-à-dire qu'un gamin, il me dit il est sympa, Squeezie. Ouais. J'ai dit ah non, non, il est horrible, il a déjà frappé un gosse. Et il y a eu un. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait. Non, non, non, je rigole, je rigole. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il est sur Blue Sky, cette attention. Enfant. Là, ils t'ont filmé. Il y a TikTok. Ils t'ont filmé, ils ont rajouté de la pluie devant, noir et blanc. Et une musique. Et c'est fini. Non, mais c'est vrai, ouais, j'ai vraiment juste été à un gars. Mais c'était très mignon parce qu'il y en a qui avaient préparé leurs questions sur des petites feuilles et tout, machin. Ça, j'adore. Non, c'était trop mignon. Bah, j'aurais adoré, moi, ça. Ben oui, mais ils parlaient beaucoup. À un moment. Non, non, pourquoi je disais ça? À la fin. Après, j'aurais eu rien à dire. Non, l'organisateur demande. Est-ce que est-ce que vous voulez qu'ils veulent, enfin, est-ce que c'est ok s'ils font des selfies, demandent des autographes et tout? Oui, bien sûr, pas de souci. En fait, ils sont tous montés sur scène et il y a 400 jeunes qui sont montés sur scène. Et vraiment, moi, je suis pas trop, j'aime pas la foule, mais ça va. Ouais, ouais. Là, j'ai eu un petit moment de. Ah oui, donc j'aurais chié dans mon froc. T'aurais pris feu, tout simplement pris feu. C'était assez impressionnant, mais c'était très cool. Bah oui, j'imagine. Très cool, qui est le nom et prénom du batteur de Green Day. J'aime bien toujours le dire. Il s'appelle Très Cool. Ouais. Non mais je lance des petits facts comme ça. C'est très attends, bien. C'est son. Attends. Son blaze est très cool. Mais c'est un surnom. Bah, ou c'est... Je sais pas sur Wikipédia. Enfin c'est très cool. Très cool. Ouais. Ah oui non. Et c'est T R E accent aigu. C'est même pas Trey. Ah, oui. C'est très, très cool. Ouais. J'ai pas de blague. Et je trouve ça trop bien. Alors de son vrai nom Frank Edwin Wright. Parce que ça, apparemment c'est pas son vrai nom très cool. Ouais, très cool. Voilà. Mais voilà c'est le blaze. Mais cela dit Adrien s'appelle Super Sensas. C'est vrai que c'est mon blaze sur Valorant. Quand je joue avec petit Valo, petit Valo, petit Valo, petit Valo, c'est la tienne. Connasse. Vous savez que je renforce. Quitte pas ma femme. Oh non. Oh non. Oh non. Raymond DeVos. Monsieur Chibre. Oh non. Oh non. Je repensais hier, tout seul chez moi, évidemment, à la vidéo de Samuel Etienne là. Oh non. Mais ta gueule. J'ai mute. Putain, j'entends rien. Et après il se fait tuer. Il y a un petit silence et il fait connasse. Mais je riais seul en repensant à ça. Non. Ah mais ta gueule putain. Je vais te mute. Je vais te mute. Bienveillance. Oh non. Là c'est un gosse. Colasse. Oh c'est drôle putain. Moi sur Roblox hélas. GG Sam. Ouais. Ça me plaît. Alors, ah oui c'est son. Oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres résolutions en tête? Oh non je vais aller. T'allais dire ouais, je sais, ta gueule, 4K c'est ouais, ça allez, non, allez. Non, c'est bon. Enfin merde. Mais non mais faut la faire. Attends, on est geek ou pas? Ah merde ouais. Je bouffe des cartes graphiques. Switch 2 incroyable non Attends qu'est-ce qu'on peut comme résolution? Vous avez regardé Squid Game? Oui. J'ai mis le premier épisode Squid Game. Et au bout de 10-15 minutes je me suis rendu compte que je n'avais rien regardé quoi. Voilà. Ah oui t'avais pas vu la saison en finale? Si ah oui, non oui. Non je n'avais t'as pas dissocié. Prêté attention quoi. Ah oui d'accord oui pardon. Et donc je dis bon ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. T'étais bien? Ouais j'ai passé un bon moment. Ouh, franchement ouais. Je trouve les gens un peu exigeants. Un peu dur. Un peu bébé cadam en disant Pierre dans une nouvelle era là. Oui oui là Pierre. Ouais attention là. La team te le. Je suis dans un très bon mood. On rappelle que je suis papa. Oui c'est vrai ça t'a ouvert. Ça t'a transformé j'ai l'impression. Ça a changé quelque chose en moi. Bah ouais là elle a une petite chemise, une chemisette en jean comme Vianney. Exactement. Vraiment ça l'a transformé. Gouloum. Pourquoi? Mais je suis Vianney. Cartman. Ah oui oui c'est Cartman. Non mais non j'ai bien aimé et les gens ils disent oh c'était une partie 1 tout ça on s'en branle. Oui, oui. Prenez ce qu'il y a c'est en juin le 27 juin le jour de mon anniversaire c'est la suite. Ah putain, c'est-à-dire que ah d'accord la fin de la saison ils disent à suivre comme The Bear saison 3 un peu ça. Bah il y a pas le oui mais en gros ouais, on sait, ça, on sait, ça ne s'arrête pas vraiment sur ça. Non, ah ça c'est un peu énervant quand même. Oui mais ah, t'aimes pas trop. C'est pas 3 ans comme là on a entendu tu vois. Et puis surtout, là c'est le 27 juin. Des fois ils avaient fait ça 2-3 fois sur des films. Genre tu vas voir Dune et à la fin de Dune ils font partie, d'une, ça m'a très frustré, ouais. Ouais. D'une et de deux. Oh la vache! T'es trop! Mais quoi? Non, mais sérieusement. Il a le droit de m'exprimer? Oh non! Il a le droit de m'exprimer ou. Bonne année pour baiser et pour dire des conneries. Mais ouais, putain. Col de couille. Serpentin. Bon, résolution. Serpentin. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Attends, je. Alors, RP, c'est RP. Ça, très bien. Pensez RP, à vous. RP. Non, je pense qu'il faut pas penser à nous. Vous pensez au. La paix dans le monde? Non, non, non, pas du tout. Voilà. Non, mais alors, je vous en donne quelques-uns qui sont non, attends, en fond attends. De classement. Arrête. Non, arrête. Oh, le chapeauté. Non, vas-y, dis la dernière. Oui. La dernière, c'est changer de travail. Ah ouais, ah ouais, donc ça peut ah ouais être des d'accord. Gros trucs. Ah ouais. Faire des gosses. Des gros trucs. Faire des gosses. Pas faire de gosses, non. Déménager. Il y a pas déménager, mais c'était une très bonne idée. Quitter sa gonzesse. Et partir avec une bande de copains régulière, sa belle-mère là. Acheter un van et puis voilà, rouler la lande. Ouais, franchement, acheter des motos avec trois potes. Ouais, des cafés racers, j'adore ça. Ouais, aller un petit peu vite dans les virages. Putain. Merde, ça ils peuvent pas nous l'enlever. Hein. Je vais faire de la boxe aussi, tiens. J'ai un peu envie, hélas. Ouais. Je suis un gros cliché. Mais... Déter fight, Adrien Méniel 2026. Mais tiens, Adrien Flo. Contre qui je me bats? Si tu fais déter fight. Qui tu te bats ou tu gagnes? Non, que... contre qui vous verriez me battre au DTR Fight? GMK. Ça serait tellement drôle. C'est arrivé très vite dans ma tête. Non, je sais pas. Putain, qui? Faut tenir compte du fait que j'ai 45 ans. C'est ça, donc, j'allais dire Samuel Etienne, mais il est un petit peu plus âgé que toi. Oh non. Oui, mais il est. Et tu gagnes, il est stock, lui. Non, mais il est stock, lui. Non, je pense que tu gagnes contre Samuel Etienne. Non, il est stock, je suis d'accord. Non, il m'éclate, je pense. Non, mais il est stock. Après, j'ai énormément de rage. Mais lui aussi, c'est sûr de lui. Ah oui, mais il fait des arts martiaux et tout. Ah, il fait des arts martiaux. Ah, ok. Je pensais que ta vivacité. Non, mais toi, c'est l'art de. Samuel Etienne t'éteint. Il te met une tempête. Ouais, je suis jeune. Ah oui, ouais. Il est boosté, tu veux dire, pas avoir moi. Ah, je savais pas qu'il faisait des arts martiaux. Ah, c'est très stylé, putain. Mais il fait combien de trucs? C'est un Yakuza, on le rappelle. C'est fou quand même de faire autant de choses. Valo, question pour un champion et du free fight, c'est trois choses très différentes quand même. Bah, alors peut-être un petit combat Samuel Etienne Nikos. Non, on n'est pas obligé de. Ok, ok. J'aimais bien, ok. Non, c'était décevant. Okay. Arrêtez de fumer. Vos réponses étaient déjà. Arrêtez de fumer. Alors oui, bien sûr. Il y avait arrêté de fumer. Non, mais c'est la nouvelle era. Il est très. Je suis cash. Donnez-moi des cadeaux qui me plaisent. Putain. Je réclame. C'est un katana de Yakuza tellement il est tranchant. Oui, ce mec. C'est fou. Eh ouais. Ok. Bon. Si son prénom c'était Guillaume, il serait gringe tellement il est tranchant. Oh là là. Oui, là, là. Pourquoi pas. Bon. Mieux que plaît. Ok, donc. Il vous en reste quelques-unes, hein. Il vous reste. Lire plus. Ah. Très bonne réponse, Daniel. 14% des Français placent la lecture parmi leurs résolutions. Et chez les 16-24, la lecture se hisse même à la deuxième place des priorités, boostée par des tendances comme le phénomène. Bien sûr. Et oui, comme le phénomène BookTok. Bah oui, c'est le phénomène fou, BookTok qui met en lumière des œuvres classiques et contemporaines sur TikTok, évidemment. Comme quoi, ça les rend pas que cons aux jeunes, ces applis. Ces applis. Se mettre au crochet. C'est quoi se mettre au crochet? Ah, faire du crochet du gauche, je sais pas. Ok. Non, j'étais tout de suite dans crochet du gauche, moi. Qui peut-être de bagarre. Peut-être développer, mais peut-être, développer une activité artistique, quelque chose comme ça. Non, ils s'en foutent ça, les gens. On a foutre. Apprendre la danse? Non, bah ce serait, j'aurais dit un peu oui du coup, si c'était un truc artistique. C'est un peu un truc artistique la danse. Ah, c'est ton art. On peut dire que c'est ton art la danse. Moi? C'est ton art. Ah, moi c'est mon objectif 2025. Toujours un appel à influenceur. Moi je veux faire Danse avec les stars d'internet. Ah, Dalcy tu veux dire. Dalcy. Ouais, bien sûr. Ouais. Et pas Dalcy, je suis un geek. Oh non. You're the flame. Non, mais il dit ça. Enfoiré de merde. Il le dit. Il y a vachement de 16-24 ans, ils veulent aller en festoche. Les jeunes là. Prendre la drogue. Non, mais je crois que c'est vaste. Non, c'est pas que les jeunes, mais des jeunes, fois. Mais... Non, il y a de tout. Y a de tout. Bah, parce qu'il y en a que pour eux. Bah, je sais pas. Non, mais je pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. C'est vrai. Mais tu vois, ça, c'est pas la première fois que tu me le dis. Les gens qui disent ça. Oui, fatalement. Oui, c'est logique en fait. Actuellement. Pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. Parce que les gens qui disent, moi, ce que je cherche, c'est des gens, c'est des gens gentils en fait. C'est rare que les gens cherchent des connards. Franchement, les gens qui disent, les conseils, franchement, les gens qui vous font sentir mal et qui sont méchants, en fait, séparez-vous de eux. Ta vie en fait. Merci en fait pour ce bon conseil. C'est de la santé mentale, rassure-moi. J'ai pensé ça, putain. Ouais, trop bien ça. Faut que je like et que je commente et que j'envoie à 10 potes. Bon, allez, la troisième position, 16%, améliorer la gestion de leurs finances. Et là, c'est une résolution. Autant vous dire que c'est pas chez les 12-25, c'est chez les 35-44. Ça flippe. Ça ouais, flippe. Ouais, mais j'y suis. Mais oui, évidemment. La sécurité financière, évidemment. Ouais, j'y suis. Ouais. Je me suis rendu compte que, franchement, sans doute, j'aurais aucune retraite. Et j'ai fait vraiment une belle panique chez moi. Tu te fous de ma gueule, tu payes l'IRSEC. Ouais, mais ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse la retraite. Mais vous avez pas eu votre simulation l'année dernière, tu sais? Ah, je préfère pas savoir. Ah, parce que logiquement, ils vous ont moi, dit combien de cotisations. D'aviation. Oui, dis-moi. Les cotisations, ils vous disent jusqu'à quand. Et moi, c'était jamais quoi. Ah ouais, offrez-moi d'ailleurs, offrez-moi une retraite. L'IRSEC. Oui, alors si on nous écoute, offrez-moi de l'argent juste. De retraite. C'est sympa, trop sympa. N'hésitez pas. Sixième résolution, 12% des Français expriment un besoin croissant de passer plus de temps avec leurs proches et comptent prioriser les moments en famille ou être amis. C'est beau finalement, c'est très joli. C'est très joli. Arrêtez de scroller et passer du temps avec sa famille. Je scrolle, mais il y a pas que ça non plus. Non, c'est vrai. Je fais pas des TikTok girls en fait. 12% des Français prévoient d'apprendre une nouvelle langue. Ah. Et oui, arrêtez de fumer. Bah oui. Ah oui, tu l'as déjà dit. À propos d'apprendre une nouvelle langue, est-ce que vous avez vu que sur Duolingo, la mascotte là, le hibou là, hilarant. Duolingo, le parcours mandarin a explosé de 140%. Savez-vous pourquoi? Il nous fait une news du Floodcast, l'enfoiré. Ah, j'adore. Le parcours mandarin, pourquoi? Ah, aïe. Oula. Bon, bah, déterre, c'est mort. Ouais. Non, je suis. Il est encore debout, hein. En plus, j'ai mal à l'épaule. C'est pour Brain, ton adversaire. J'ai oublié son nom. Billian. Ouais. Ah, ouais. Mais je vais quand même aller au basket. Et c'est peut-être la pire heure de ma vie. C'est la pire heure de 2025 pour l'instant. Donc j'ai un peu mal à l'épaule depuis environ 2 semaines. Ah ouais? Je me suis dit, je vais quand même aller jouer au basket. Peut-être justement ça va me faire du bien. Sans doute l'inverse. T'es pas allé voir ton ostéo? Si. Et ça t'a pas. Sur le moment, ça m'a fait du bien. Et puis en fait. Oh non. Donc sans doute que c'est beaucoup plus grave. Change ton matelas. Et d'ailleurs, si on nous écoute, Emma, n'hésitez pas à nous envoyer des matelas pour l'entrée. On l'a fait. Je sais. Sauf à moi, parce que j'ai oublié de répondre. C'est vrai. Oui. J'ai pas besoin d'un matelas donc. Parce que toi tu l'as offert à ta mère, moi je n'ai pas de mère. Oui. Non mais il faut le rappeler. Bah, j'ai mis la daronne à l'abri avec un matelas. Ouais. Bah, moi aussi je l'ai mis à l'abri. Dans une urne. Alors. Oh l'épitaphe de oui. Ouais. Oui. Ou la couve de libération parce qu'il y aura une couve de libération pour James Star. Oh d'ailleurs. Urne. Qu'est-ce qu'ils ont dit on peut imaginer peut-être un petit jeu. Ah il y avait ton jeu d'abord. Déjà ouais. Ouais. TDAH aussi apparemment. On y reviendra mais la une de pour David Lynch. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais j'ai tenté Lost Highway to Hell mais c'était. Ah, c'était un peu dur. Hell c'est dur quand même. Ouais mais tu as été fantasque. Je sais pas. Je suis fou. 140% mandarin. Alors est-ce que c'est rapport avec un truc de. Ah, est-ce que TikTok? Et pourquoi du coup? Parce que ils vont peut-être supprimer le TikTok aux États-Unis et du ah coup, oui, effectivement, le ban TikTok serait effectif le 18 ou le 19 et donc du coup les Américains se sont précipités sur l'application chinoise pour faire des TikTok en mandarin pour effectivement de fitter avec cette communauté très accueillante de Red Note et donc du coup il y a ce qu'ils appellent, je trouve un peu de mauvais goût en ce moment, les TikTok refugees. Et donc, ils vont tous sur Red Note. Ah oui. Et ça a été, du coup, la première application téléchargée monde et aux US. Et donc, du coup, il y a une grande transhumance qui s'effectue sur Red Note. Parce que, du coup, pour la blague pour aussi. Pour comprendre les TikTok, en fait, en mandarin. Pour comprendre, pour eux-mêmes parler mandarin. Et effectivement, on rappelle que TikTok était banni parce que, justement, les Américains disaient que tu vendais tes datas aux Chinois. Ouais. Et donc, du coup, en Trump réponse, essentiellement disait ça. Les Américains ont dit bah, prenez toutes mes datas. Et c'est devenu une petite traîne. Voilà! Oh là là, ok, d'accord. T'es un TikTok boy. Oh, Pierre Lapin. Épitaphe de David Lynch. Alors je l'ai. Ah, elle est pas en une. Ah, parce que je l'ai inventé en fait. Enfin, ouais, mais, ah oui, inventé. Je vous donnerai la vraie. Ah, okay. Qui est un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Okay. Alors, on peut essayer de deviner, Max. Ah ouais, vous pouvez deviner. Est-ce que c'est du coup par rapport à une de ses œuvres, un jeu de mots? T'as fait un film. Ouais, mais j'en connais aucun. Meuland Die. Non. Ah ouais. Je sais pas, ils avaient pas fait un truc avec Dai pour Akira? Non, c'était Dragon Ball Dead, évidemment. Magnifique Dragon Ball Dead. Terrible. Irrespectueux possible. Dead. Le mec est dead. Dragon Ball bien dead le man. Est-ce que tu peux je vous donne quelques titres nous dire le film? Oui, c'est ce que j'allais faire. Ouais. Il y a une histoire vraie, Mulholland Drive, Blue Velvet. Non, j'allais dire nous dire le film. C'est trop facile si tu nous dis le. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, le film. Oui. Ah oui, c'est Blue Velvet. Donc c'est facile. Pas si facile. Pas si facile. Blue Velvet. Non. Non, mais c'est sur ce mot-là que ça change. C'est sur Blue. I'm blue, blues velvet. Putain, joli. Pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Donner une mal, carte de presse à Pierre, putain. Non, pourquoi? Mais qui a décidé qu'il fallait faire un jeu de mots quand quelqu'un meurt? C'est fou, quoi. C'est leur DA. C'est les rats qu'ils ont depuis quelques années. C'est drôle. C'est un choix étrange. Moi, je pense que c'est pour. Moi, j'aime bien. Ouais, il y a une petite gymnastique de l'esprit. Pour critiquer les jeux de mots? Non, mais il y a une gymnastique de l'esprit dans le jeu de mots de base. Mais qui a dit si quelqu'un meurt, je veux un calembour, j'en ai rien à foutre si t'aurais je vois pu le dire, juste... Adrien. Est-ce que pendant les vacances vous avez fait les galettes des rois? Est-ce que c'est quelque chose que... Ah ouais, tu fais toi, j'en ai une. T'as eu la fève? J'ai pas eu la fève. Putain, non. Deg, t'étais deg? Non. On est sur quoi? Boulangerie Picard ou t'es... C'était boulangerie, je okay. crois. C'est très cher, les galettes. J'ai découvert, je ne la fêtais jamais. Ouais. En fait, c'est assez cher, une galette. Alors, la Picard, elle est à 9,99. On est vraiment des. Ouais. De quoi ? D'un don de la farce. C'est pas si cher à fabriquer, quoi. Oui. Oh, mais fabriquer, voilà. Mais regardez-le, lui, ses mains, c'est des outils, mais pas moi. Mais non, ouais, mais... non, non, je dis que eux, ça leur coûte pas tant de le faire et qu'ils font une belle marge. Ils font une parce marge, que... une belle marge. Là, là, la belle marge. Ah non. Si, si, bah si. Eh oui. Eh oui. Oh, ils sont durs d'ailleurs dans la vidéo d'Amixem, celui qui fait Marge Simpson, parce que moi je trouvais ça évident. Ah, tu l'as pas vu toi, ça? Si, ça j'ai vu, mais Marge Simpson il était raté. Ouais, pas ouais, moi je ouais, non. Non, mais alors là, suite, on en a parlé d'Amixem et de Thomas Dezer, j'ai quelque chose à dire. Moi j'ai regardé la vidéo des bonbons. Okay. Ils ont classé des bonbons. Ok. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup, j'adore les bonbons. C'est vrai que t'es un petit gourmand. Je préfère le chocolat, je le dis. Mais il y a quelques bonbons que. Non, mais c'est la prochaine vidéo ça. Quelques bonbons. Alors, je me manifeste. Donc ils ont classé des bonbons. Qu'est-ce qu'ils ont foutu tout en bas aussi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu tout en bas des bonbons? Les Tagada. Bon, pour non, qui... Et les carambars. Faut doser. Pour ouais, qui mais vous ça, vous c'est prenez pour, c'est pour faire leurs intéressants, genre le truc que tout le monde aime. Donc nous, voici c'est de la merde ma vérité, Amixem et Thomas Dezer. C'est ma direction. J'ai pas la suite. Ah, merde. Donc voilà, non, on met pas les Tagada en bas. On met pas sur les... côté, peut-être, voilà. Mais de là, le mettre non, en dernier, c'est trop un délice, les Tagada. Et je regrette qu'il y ait de la gélatine dedans. Parce que c'est oui, c'est délicieux. Voilà. Alors, je voulais faire mon petit chocolat. Après, chacun ses goûts. Attention, tu pourras faire ton. Non, si je suis dans ma nouvelle era, ouais. Je ne supporte pas que des gens aient des goûts différents que les miens. Ah, ça, mince, ça me foudrage. Ah ouais. Ça, je peux vraiment rejoindre, sauter dans le wagon avec toi sans aucun problème. À la manière d'Indiana Jones. Ah la vache. Non mais ouais galette parce que moi j'en fais jamais, j'aime pas la galette moi, je vous le mais dis. Non, t'as la frangipane. Exactement. Non mais j'aime pas ce mélange de c'est comment dirais-je feuilleté au-dessus et mou en dessous. Friable, oh là là. Friable au-dessus et mou en dessous, j'aime pas trop. Mais parce que c'est peut-être des galettes de merde que tu parce que pauvre j'imagine ami. Qu'une bonne galette bien faite, mais elle est pas trop friable. Tu dois t'aimer la galette quand elle est bien faite oui, avec du beurre dedans. Dedans. C'est vrai que c'est ton truc. Non, mais, mais oui. Non mais oui, il faut bah j'imagine qu'une galette est effectivement bien faite. Non, mais là elle était bien faite, mais je sais pas, c'est ce mélange de c'est comme du sucré salé pour moi. Un peu chaud comme ça qui mais j'en suis pas dingue. Et alors je me suis fait alors là, frangipane, quel régal. Je me suis fait arnaquer. Oh non. Oh je voulais acheter une galette Le Monde de Nemo pour faire plaisir à ma fille. Ah. On est déjà sur une arnaque. Voilà. Donc, je vois la couronne Monde de Nemo. Ouais. Je vois l'aventure de la boulangerie. Il y a des petites fèves oh Monde là de là. Nemo. Je pète mon crâne. Je me dis, c'est un régal. J'achète la galette. On coupe les parts. Oh là là. Pour qui celle-là? C'est pour qui celle-là? On met quelqu'un sous la table. C'est les traditions. Est-ce qu'on a le droit encore d'avoir quelques traditions dans ce pays? Je ne sais pas. Vous trichez pour que ta fille ait la fève. Exactement, voilà. Eh bien, c'est un autre sujet, mais justement, non, on essaie de lui apprendre que des fois, on perd. La méritocratie. Ça, c'est bien ça. Voilà. Attention, elle n'aime pas trop. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est important de. Mais on essaye. Bref, par contre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand elle fait un dessin, et vous le dites parfois, ah, pas terrible. Non, mais je fais ce truc de. J'essaie de comprendre ce qu'elle dessine. Donc, mais là t'as fait quoi par exemple? Ah d'accord. Et donc c'est ah ben là c'est les oreilles sont un petit peu loin. C'est joli, mais c'est vrai que voilà j'essaye j'essaye de comprendre le dessin. Non mais c'est pas mal. Je vais juste dire oh c'est magnifique. Oui oui. Non. Après des fois je trouve ça magnifique. Alors que je pense que c'est pas ouf. T'as ce biais de. Bien sûr. T'es le daron. Vu que t'es le daron. Mais donc bref j'achète cette galette et alors la fève. Un le pouf, rappeur. Un pouf, ouais. Oui. Bah c'était une fève la fève. Oui effectivement. Mais non. C'est rappeur en fève. Quelle bonne idée. Deuxième merch. Hop là. Non mais c'est une fée avec un pauvre singe de merde. Mais non, donc, excusez-moi, je paye. Non, c'était pas celui-là. C'était pas une NFT. Non, merde. Non, c'était rien à voir avec le monde de Nemo du coup. Mais c'est fou. C'est mon point. C'est fou. Ça. C'est mon point. Alors j'entends qu'il y a peut-être 2-3 trucs plus graves dans le monde. Mais ouais. Moi, pas ça beaucoup m'a... plus. Non. Ah bah j'ai dit 2-3. Hein, ouais, pas. Ouais. Mais pas. Ça m'a rendu fou. Alors la petite était quand même ravie, mais bon, tu te dis, j'achète une galette mais Monde de Nemo. Après, une licence quelconque ou vraiment un singe basique. Je crois. Alors peut-être qu'il appartient à quelque chose. Moi, je l'ai pas reconnu, mais pour moi, c'est un après, singe est-ce plus que, basique. Est-ce que c'est pas genre ils t'ont reconnu du floodcast, ils l'ont dit? Oh, oui, il adore ça. Non, c'est une blague, évidemment que non. Enfin, oh. Il a répondu premier degré, cet enfoiré. Je sais pas, on est des stars. Enfin, je sais pas. C'est Cédric Grolet en plus. Toi, petite galette, Pierre. J'adore ça en fait. Vraiment. Toi, c'est la Bretagne. La frangipane, c'est très bon. C'est très très bon. C'est, si c'est pas gueule. Le galette, beurre, et la oui, galette le, bretonne. Apparemment les Bretons. Et la galette bretonne. Et la galette bretonne. Bah, ça n'a rien à voir. Laurent Bernard. Oui, mais il y a le mot galette. Crêpe, c'est breton. On ne dit pas galette chez moi. On dit crêpe. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est oui. La même chose. Arrêtez de nous faire chier. Non, une galette, oui, une galette quoi. Une galette ou une crêpe. Galette, c'est une crêpe. Non, mais crêpe, c'est le mot générique pour dire un truc plat. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est une crêpe. C'est une crêpe. Crêpe blé noir. Crêpe sucrée. Allez. Non, mais frangipane, je m'en délecte. Sauf qu'il y a eu l'inflation. Et il y a de la shrinkflation aussi chez Picard. Oula, en termes de 12, c'est compliqué. Termes, mais... Et c'est 9,99 et je trouve ça excessivement cher. Chez Picard, calmez-vous. Ouais, je croyais que mon I était un L minuscule. t'as bien fait de mettre un point dessus. Putain. Oh ouais, pas mal. First pas mal. Try, GG. Et cela dit, en boulant, parce que j'ai regardé ce matin la dernière vidéo de McFly Carlito où ils dégustent des galettes des rois. Mm-hmm. Ils disent les prix et apparemment en boulangerie c'est beaucoup plus cher que ça. Ok, d'accord. Oui. Et pas forcément meilleur. C'est genre 30-40 balles en voilà, boulangerie. Fâche. Donc, Picargotesque et j'adore. Moi j'ai pris Picargotesque. Yuki. J'ai pris un petit déjeuner récemment avec quelqu'un qui a demandé à faire réchauffer son pain au chocolat et j'ai trouvé ça. Quelqu'un de connu, j'imagine. Évidemment. Mais Jonathan Cohen. Non, pas du tout. Okay. Mais, ouais, j'ai trouvé. Pain au chocolat, gars. Ouais, mais il parle comme c'est ça. Cata. Mais j'ai trouvé ça de prime abord excessif et un peu gênant. Et en même temps, il s'est régalé. Bah oui. Alors, je me suis dit, mais c'est, on se régale quand même. Parce que nous, on est des merdes. Non, mais des pains au chocolat chaud. On aimerait avoir l'aplomb de dire, vous me l'avez chauffé. Enfin, le dire poliment. Oui, c'était très poliment. Il a dit, excusez-moi, je vais le réchauffer un petit peu. Moi, je serais genre, oh, je sais pas. Bah oui, c'est ça. Mais alors qu'un pain au chocolat chaud, c'est délicieux. Le chocolat fond un peu. Pas trop chaud non plus, juste un petit peu warm. Bon, attention, une chocolatine. Non, mais je sais. Ah, c'est le débat qui lance là. Envoyez un commentaire. Le lait, vous le mettez quand? Dans les céréales, vous le mettez quand? Moi, là. Cette audace que je me permets au restaurant pour rebondir, c'est effectivement lié au beurre. Je suis breton en fait. Et tu du coup, maintenant, avec mon... Sinon, c'est pas du beurre. Attention, vos gueules. Vous m'entendez? Vos gueules. Je comprends ta haine. Mais. Non, mais on s'en fout. Tu m'as fait un très beau tatouage quand même de beurre salé. C'est vrai. C'est... Non, mais toi, t'es. Justement, t'es pas le mec qui dit oui. Ah, mais moi, c'est pas du beurre. Hein. Si, si. C'est toi, aussi du beurre. T'es fou ça de s'appelle toi. Beurre. Je suis fou de beurre. Et donc, du coup, avec mon œuf mayonnaise, donc je salue le père populaire qui a une très belle cantine. Et du coup, je demande du beurre. Un peu enfoiré, là, cette phrase. Mais je les adore. Non mais c'est le terme très belle cantine, t'as oui, oui. Je me suis permis de dire que j'étais une merde tout à l'heure. Là, je dis pas que t'es une merde. Oui, non, mais j'entends. Un peu enfoiré. Ouais. Et donc du coup je demande du beurre avec du sel et je sale mon petit beurre et j'en fais pas du pâte à caisse en disant c'est pas du beurre salé. Je fais mon petit beurre. Oui comme voilà. Ça, c'est si ça. Tu te sales ton propre beurre. Exactement. Les gens qui disent oh non le beurre pas salé c'est pas du beurre. Foutez du beurre dessus, du sel dessus oui, et c'est oui, bon, c'est pareil. Non mais je range mon frein, je ronge mon frein et je sale mon beurre. C'est pareil. Même chose, le goût est identique. Arrêtez de faire chier. Voilà. Ah, je vous dis, c'est du sel, hein. C'est, ouais. Vraiment... c'est pas la préparation. Pas non plus un truc fou. Ils ont mis du sel dedans. Trier les Bretons là. Ah bah, voilà. Attends, ça, c'est rien chaud, à foutre. Quoi. Allez, trier les Bretons, trier les Bretons. Jean-Marie Le Dead. Jean-Marie Le Dead. Est-ce qu'ils l'ont fait? Putain, Jean-Marie Le Dead. Oh là là. Ils l'ont fait. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? On est des fous de Cinoche. Fous de Cinoche. On va faire le putain. Petit. Mais oui, je fais une liaison tout de suite. Il y a des films qui sont sortis cette année. Alors, mais on est en 2025. Ouais. Je crois que j'ai battu mon record. Ouais. C'est-à-dire. Sur les tops, combien? Je crois que j'ai vu. Alors. Ah. J'ai pas vu zéro film au cinéma, mais le seul film que j'ai vu au cinéma est Nous les Leroys. Ah là là. C'était à l'avant-première et parce que j'étais dans le film. Il ne voit des films que quand il a des applauses sur une scène dans laquelle il est. Sinon, il ne va. Non, j'allais dire une standing, pas non. Du tout. Voilà, non, j'exagère. J'exagère. Écoute, je me raccroche aux petites parcelles de bonheur de mon année. Et dans ma tête, c'est devenu une standing apparemment. Pas du tout. Les gens ont fait des malaises. Une standing au ralenti. Ouais. Genre, waouh. Ça, ça a commencé. Minutes, 15 en minutes. Fait, moi, dans mon souvenir, le projectionniste a mis pause. Et ils ne font jamais. Ce qu'ils ne font jamais. Parce qu'il y a eu un slow clap. Et là, le projectionniste a dit bon, on va rien entendre. Si je mets pas pause. Il a mis pause. Les gens sont levés doucement. Ils ont fait le truc là de. Le clapping, ils sont là. Oh, c'était magnifique, j'ai pleuré. Non, de simples applaudissements, bien sûr. Ce qui est énorme, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Énorme, ce qui est et énorme. Puis après, tous les films qui sont sortis avec moi. Il n'y avait pas Antigang 2 qui est passé en film de Noël sur M6 ou... Si, je crois. Passé à la Téloche. Ouais. Passé à la Téloche. D'ailleurs, en parlant de ça, Nous les Leroys sur Canal. C'est en replay quand même. Replay. Ah, oui. Si vous avez l'abonnement, vous pouvez le regarder quand vous voulez gratos. Un régal ça. Enfin, gratos, vous payez l'abonnement quoi. Oui, oui. Non, mais donc, du coup, je crois que je n'ai vu. Zéro film en fait, je crois. D'accord. Au cinéma. Ah, oui, t'as tout rattrapé, je crois. Oui, sur Streamio. Ah, attention. Oh là là. Chez moi, j'ai dû en voir peut-être 3 ou 4. T'es quoi, sur ton Plex, sur ton Streamio, t'as fait comment Non, moi, je suis abonné à toutes les plateformes. Ah, ouais, okay, d'accord. J'ai vu The Banshees of Inisherin. Oui, je connais Bibi. Ah, t'as kiffé? Allez, on me l'avait survendu, je pense. Ouais, je c'était bien, mais on me l'avait survendu. Ouais. En tout cas, voilà, y a quelques films qui ont fait parler d'eux cette année. Donc, on va pas parler de Nous les Leroy, évidemment, ce serait ridicule. Et puis, il est pas dans le top 50. Alors, on en parlera. C'est vrai que cette année, on a reçu beaucoup de gens du cinéma. Et c'est vrai qu'Adrien a eu à cœur de voir chaque film de chaque invité qui est venu. Et là, je vois Dali, par exemple. Alors, déjà. Oh non. Le truc, certes, j'ai vu aucun film du coup, clairement je le dis, mais aussi, souvent ils t'invitent toi à le voir et pas moi. C'est vexant. C'est vrai que ça passe par moi. Oui, et papa, et oui, non, ça passe. Bah, il m'envoie mon mail à moi. Oui, ça passe par moi. Oui. Ah, oui. Bah, c'est pas que ça passe, parce que là, ça sous-entend que après, tu fais le relais. Ah non, non, non. Non, non, moi, juste ils t'invitent toi. Et tant mieux. J'ai pas envie d'y aller forcément. Donc. Donc Dali. Donc, merci de m'afficher. Non, ça va, c'est pas grave. Les gens, c'est ce qui fait le sel. C'est ce qui fait que t'es pas invendu et que moi je suis une merde aux yeux des gens. Tout. Bah ouais. Oui, mais, tu sais que si. Offrez-moi des trucs. Dali. Des trucs qui me plaisent, attention. Dali. Oh, Dali. Est-ce que c'est par rapport à moi que tu évoques ce film ou pas? Pourquoi? Par rapport au pire vocal que je vous ai envoyé de ma vie. Ah, c'est vrai qu'on peut enfin d'en parler. Alors, parlons-en, il faut savoir. C'est un petit jeu. Voilà, qu'on fait de temps en temps, inspiré des trucs qui baisent ensemble, des imitations où on mélange deux noms de comédiens ou d'acteurs, enfin ou de célébrités au final. Les gens qui baisent ensemble, que j'ai fait aussi. Les gens qui baisent ensemble, et donc c'est des imitations où tu imites quelqu'un avec la voix de quelqu'un d'autre. Et on va pas dire. Peut-être que tu peux refaire l'imitation. Tu veux que je fasse ou je retrouve le vocal? Moi je pense. On va faire en direct. Que peut-être qu'il est boosté depuis. Ouais, il va bien le faire. T'as peut-être pris en skill. Là j'ai. Donc, petite pression. Ouais, mais non, mais là, ce qui est bien, c'est que les auditeurs vont pouvoir jouer aussi chez eux. Donc là, si vous êtes en voiture, peut-être arrêtez-vous sur le bas-côté. Donc on précise, entre la voix et le propos, il y a deux célébrités. Il va y avoir, ça va mélanger deux personnes. Oui, au sein d'un jeu de mots, il faut le dire aussi. Au sein d'un jeu de mots, on l'a très mal expliqué. C'est Balatro ou quoi? Je vous emmerde. Attends. Tout va bien, les gens sont passés à autre chose. 2025, nouvelle non, era. Pas du tout. Les gens sont pas du tout passés à autre chose. Nouvelle era. On ne me parle que de ça. Dans un épisode, il n'y a pas tant marché, ça qui est fou quand même. C'est ça, puis vos gueules. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que aussi, il faut prendre en compte que j'ai essayé de merge les imitations vocales aussi. C'est ça. Non, okay. Non, dis pas trop, okay. Laisse les gens se délecter. Ne donne pas des excuses. Voilà. Oui, je connais Dali. Je n'ai même plus alors que. Parce qu'en fait, j'en ai une du coup. Et du coup, tu fais Dali. Mais. Putain, c'est fou. Parce que tu nous l'as déjà fait. Oui. J'en ai une. Mais du coup, je connais bien Dali. Mais du coup, c'est Dali qui dit Dali. Ouais. Donc. Oui, bon, allez. Je connais Dali. Oui, c'est Johnny Dalidé. Voilà. Ouais. Ah putain, mais. C'est dans le rack. Et faut savoir que quand ils nous ont envoyé cet audio, ils m'ont chié à la gueule. Ça nous a rendu fou de rage. Mais attends, c'était ça? C'était ça vraiment que tu. Et après, j'ai fait et Samuel Etienne For You, où là, ça a été une rage encore plus démesurée. Là, c'était une catastrophe. Et du ghosting, mais voilà. Non, il était bien. Ah non, non. Quoi? Ah non, il était horrible. Ah non, il était horrible. Mais surtout. Allez. Il le tenait pas bien, enfin, c'était une catastrophe. Et puis, il fallait deviner, avec tout le respect, s'il nous écoute, Etienne For You. Fallait deviner la célébrité, c'était Etienne For You. Oui, quand même. Oui. Voilà. C'est pas Johnny Hallyday, c'est un peu plus de niche. Voilà. SO à Etienne For You. Mais bien sûr. Alors, juste, je fais une parenthèse. Fais enchanté, j'espère. Ouvre-la. Parce que, bon, c'est très vieux. Ça, on est à la troisième saison, je crois déjà. Mais j'ai commencé avant-hier à regarder The Mandalorian. Ah, alors là, je tombe de ma chaise. Vraiment, gros j'adore. Gros bah, c'est bien. Mais parce que t'aimes pas trop. Tu t'en fous. Non, tu m'avais dit. Star Wars, on s'en branle. Je m'en fous de Star Wars. Voilà. Enfin, mais en fait, c'est sans doute en réaction aux gens qui en font des caisses et du coup. Pardon. Mais non, personne. C'est vrai que j'ai jamais croisé des gens. Quand même. Mais déjà, Andor, j'avais beaucoup aimé. Oui, ah, incroyable. Ce Mandalorian, moi, en fait. Moi, je suis pas fatigué, donc on dort pas tout de suite. Oui, mais tu as. C'était taxé, cela dit. Andorre, hein, je parle la ville. Ville Andorre ? Non, Andorre la vieille et la ville est. C'est pas un pays ? C'est un micro-pays. Ouais, c'est voilà, mais Andorre la vieille. Principauté, je crois. Et ouais, la ville. Ah oui, c'est ça. Ouais. Pour amener des petites clopes, par exemple. Voilà. Non, j'aime beaucoup et. Je suis obligé. Il est mignon ou pas ? Est-ce qu'il est mignon ? Est-ce qu'il est mignon ? Et là, tu peux le dire. C'est vrai que tu l'as quand même. Voilà, j'ai ironisé là-dessus. Je suis obligé de le reconnaître. Baby Yoda est trop mignon. Voilà, mais oui. Il est vraiment mignon. Il est mignon. Est très mignon. Je le dis, je le dis. Et surtout que je trouve Attends, t'en es à quel. T'as vu combien d'épisodes? Pas beaucoup, 3 ou 4. Ah, parce que t'as pas encore le vrai nom. Si, si, je, évidemment que je le sais parce que tout, c'est spoilé. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a une vibe, toi qui, on rappelle, a fait Phantom Force et trucs comme ça. Il y a une vibe très le rebelle et un truc très 90 qui est génial avec un épisode standalone, une aventure. Et ça, ça m'a. Le coup de. T'entends un coup de feu et en fait, c'est l'autre personne qui tombe, qui utilise 15 fois. Mais en fait, c'est. Alors, c'est pas mon analyse parce que je l'ai entendu ailleurs. En fait, c'est un western spaghetti dans l'espace, quoi. Ouais. C'est vraiment exactement ça. Bah, j'adore. Ouais, je suis c'est un western fusilli. Fusilli laser, pardon. J'ai oublié le terme. Ah oui. C'est un jeu de mots. Oui, d'accord. Sachant qu'il y a déjà des fusils dans les westerns, donc c'est pas tellement. Donc, ouais. Western fusilli laser. C'est un western. Ouais, non. Il y a pas blaster. Il y a pas un truc qui ressemble à. Blasteloni. Qui... des barils laser. Très bien, très bien. Non, mais voilà, très très bien. Il a dit très bien, très, très, très bien. L'émission peut reprendre. Non, mais en fait, c'est très pas compliqué en no fait. No brainer. Ah ouais, non, c'est un détente. Un épisode, une mission, machin. Mais oui. C'est très très bien comme ça. Et en fait, et en plus, apparemment, il y a Bill Burr dans un épisode. Et il y a Bill Big Deal, les deux. Il y a Bill, du Big Deal qui a, enfin, dans Alien, on voit sa planète. Ouais, c'est ça qui est fou. J'en rêve. Non, voilà, bon, pour dire, il est mignon, quoi. En vrai, ouais, il n'y a pas vraiment de film de. S'il y avait Mars Express, si j'avais été réalisateur sur Mars Express, j'aurais caché un bill dans la foule à un moment, je me serais régalé. Jérémy Perrin, c'est ça, t'as déconné. C'est ça. Jérémy, c'était le moment de mettre un bill, quoi. Il a mis le Cozy Corner. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qu'on embrasse. Tu sais quoi, on va dire, tes trois films que t'as préférés cette année, et si Adrien souhaite rebondir, il rebondit. Est-ce qu'il y a des films que t'as particulièrement aimé? Est-ce que je fais mon top 3? Allez, vas-y. J'avais fait. Alors attends, je retrouve. Donc, moi je tiens à faire. Dans le temps que tu cherches, je fais un big up à Grim Cujo qui avait conseillé L'histoire de Suleyman. Et je l'ai écouté. J'ai été saisi. Et j'ai par vu que tu l'as recommandé. Je l'ai adoré. Putain, j'ai adoré ce film. On parlait de ce film avec Laure Calamy, pardon, à plein temps, je crois que ça s'appelle. Ça, sur ces espèces de films d'action du quotidien où tu sens la pression. Thriller. Thriller où c'est la vraie vie en fait. Ouais, donc ouais. C'est horrible. Et ben là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et évidemment que j'ai pas appris que les gens qui faisaient des livres etc c'était terrible leur vie, mais de le voir quand même dans un truc de fiction où en plus le gars s'est adapté de sa vie etc etc, ça engage mille fois plus quoi. C'était vraiment dans un truc de oh la vache. Et donc voilà, je vous le conseille. Qui a été régularisé. Oui, hein, j'ai vu récemment, mais apparemment juste pour un an. Eh oh, Bérou là. Et au Bérou là. Je sais pas, j'ai imité. Tu me fais pas la poche. C'est l'imitation, en fait, c'est l'imitation des guignols. C'est Canteloup, ouais, c'est Canteloup. Ouais. C'est Canteloup, et d'ailleurs, après le 20h aussi, c'est Canteloup. Grotesque. Moi, alors du coup, mais après, effectivement, j'avais oublié que c'était 2024, mais en 3, moi j'avais mis Zone of Interest qui m'a pas mal chamboulé. Chamboulé. Chamboule tout, ça t'a chamboulé tous les termes. Donc. Enfin vraiment de Glazer. Oui, parce qu'il est sorti le 31 janvier 2024. Donc ouais, ça remonte. Ça, non donc mais ça remonte. À chaque fois je me fais avoir ce que je pense souvent selon la saison des Oscars, et à chaque fois dans mes tops j'oublie des choses. Oui. Comme j'ai oublié de mouler le roi, putain, il aurait été top 1 dans mon cœur. Parce qu'il l'avait en 2023. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, Zone of Interest qui est incroyable pour moi. J'arrive pas à me lancer ça quand même parce que tu l'as pas vu ? Non, bah parce que c'est quand même quelque chose, enfin tu vois le quotidien des nazis qui habitent à côté de chambre à gaz, je trouve que c'est enfin c'est sûrement un chef-d'œuvre, tout le monde le dit, mais faut se lancer quand même. Et je suis rarement dans le mood où je me dis, allez, c'est maintenant. Donc voilà, non, mais j'ai pas encore eu l'occasion. C'est un film dispositif nécessaire. Et coup de poing, non ? Furieusement pop et un putain de coup de poing dans la gueule. Furieusement pop, je l'aurais pas mis par exemple. Tu vois ? Non, mais j'ai pas vu le film. Hein, non, mais en fait, mec, c'est Love Story mais avec des nazis. What the fuck, en fait. Non, effectivement, oui, il y a ce truc. Mais je le regarderai un jour. Hein, c'est juste, voilà, c'est des films. Effectivement, le dispositif, c'est qu'il a mis des caméras partout dans une maison et les actrices. Oui, c'est une œuvre d'art. Et c'est incroyable. Et puis il y a un petit switch et il y a une façon aussi de montrer ce qu'on peut pas montrer ou quoi que ce soit, qui est incroyable. Et je trouve ça fabuleux. Et qui fait écho avec plein de choses, il paraît. Et qui fait écho avec ce qu'on a vécu. Et le génocide qui est toujours en cours, malheureusement. Ouais. Mais ça, c'était incroyable. Moi, en deux, gros coup de cœur. Mais là, je tiens à avoir un vrai coup de gueule. Je sais pas si Adrien le partage. Oula, du coup de cœur au coup de gueule, il y a qu'un pas chez lui. Hein. A24, qui en termes de distribution en France, tout ça, c'est un cauchemar. Je sais pas combien ils vendent leurs films, mais on ne voit pas leurs films et il y en a marre. En sachant on voit pas mal de trous de balles avec des casquettes. En revanche. Ouais. Si je peux mettre un peu d'eau dans ton bras. Ouais, mais c'est de l'eau du robinet. Je vais me permettre qu'elle est un petit peu salée quand même. Ouais. Et donc oui, à Sing Sing, mais qui au final a trouvé une date de sortie qui sera le 23 janvier. Excuse-moi, Pierre. Un film qui n'est pas sorti en France, que tu as vu. T'es allé aux États-Unis, j'espère. Pirater les gens. Oh non, vraiment. Réapprenez les zoomers. Arrêtez, pirater. Mais t'es un salaud. Tu dis ça ici, toi. Tu t'es cru au Pirate Paradise ou quoi? Non, mais non. Non. Sing Sing. Je suis contre ce que vient de dire Pierre. Sing Sing. Sing Sing, c'est bien. Et qui. Coleman Domingo, acteur qui est incroyable. Domingo, le streamer. Qui est dans le film. Oh la gige, c'est juste Gotès, le petit bug en fait. Ou alors Monxar. C'est juste insane. Ou alors Monxar, tu chantes. Tu chantes, Monxar. Donc Coleman Domingo qui a été nommé l'année dernière, mais qui était, je sais plus, enfin, un biopic. C'était vraiment le Oscar, mais qui n'était pas foufou. Et là, qui est à Sing Sing et qui raconte un espèce de. Comment dire, de process. Enfin, comment dire, un espèce de club de théâtre en prison. Donc, okay. Avec des prisonniers et trucs comme ça. Et qui. On voit un peu leur vie. Et ce que je trouve bien, c'est. Ah, mais il sort bientôt en France. Il sort à la fin du mois. Ouais, 23 janvier. 29 janvier. 29 ouais. janvier. Ouais. Et ce qui est cool, c'est des concernés qu'on voit. Ouais. À part Coleman Domingo, tout le monde a été incarcéré et a participé D'accord, à ce club okay. de théâtre dans la vraie vie. Il faut savoir que tout le monde a été payé pareil. Donc il y a même, ils ont gagné un prix de justice sociale ou je sais plus quoi au SAG Award. Okay. Et, woke, des woke. Ah, ça c'est un truc de woke. Mais non, du coup c'était incroyable et ça m'a bouleversé franchement. Et c'est cool aussi de voir que ce qu'on peut voir un peu en France où t'as une personne extérieure qui va devenir une meilleure personne en allant voir des prisonniers ou d'autres gens, des trucs comme ça. Oui, oui, c'est un peu. Et là, du cliché, coup, c'est vraiment les gens concernés, c'est la parole concernée, et qui va pas dépolitiser la chose et qui va vraiment parler que le système carcéral américain, tout ça, c'est un enfer. Si vous tapez Sing Sing sur Google, il y a une chanson de Thierry Hazard, c'est pas ça. Voilà. Non, je vous le dis. C'est pas la chanson de Travis et tout ça qui, m'a traumatisé, qui était insupportable. Ah, c'était quoi, c'est là déjà Sing Sing Sing Sing. Mais il y avait un clip. Moi, il y en a une que. Moi, celle que je détestais, qui passait tout le temps à la radio, c'était. Now back to you. Nanana. Nanana. De Travis aussi. Nanana. Ah, Keane. Ouais. Ça là, elle me rendait fou. Ou Bastan, que j'adorais, mais alors Keane, c'était compliqué. Keane qui était dans la même réhab que Pete Doherty. Pas de Keane shaming. Hein. Oh Le Pen. Et dernier film, si on continue bien sûr. A24, I Saw the TV Glow, donc. A24, niquez-vous. Ça, c'est sur Canal, je crois, non? Je sais pas. I Saw the Sign aussi, pour rester dans la musique. On n'a pas vu et. J'essaie de participer. Aucune ref. Mais fais-toi plaisir. J'essaie de me booster moi-même. Mais en booste-toi. Fait. Ah, non, mais par contre, il est en lock. Vous pouvez le louer. I Saw the TV Glow et qui, on va dire, une espèce de. Enfin, moi, ce qui m'a ramené un peu ce que j'avais vécu, donc faut aimer. Avec Richard Kelly et Donnie Darko. Ah oui, bien sûr. Et du coup, et dans l'univers, enfin, moi j'ai l'impression que ouais, c'est un peu. Enfin, ça peut parler en sous-texte de la transidentité, de qu'il faut un peu s'enterrer pour revivre, des trucs comme ça. Et je trouve ça une vraie ode à la culture populaire des années 90, début 2000, un peu le truc Buffy, les séries, comment ça a pu manger notre cerveau. Il y a Fred Durst de Limp Bizkit dedans. Oh ouais. Voilà, et moi c'était un film, et je trouve qu'il y a eu un impact sur la pop culture où j'ai rarement vu ça. Un film a créé une expression pour parler, donc ça a complètement boosté. Et ça m'a touché. Voilà, premier degré, mon top 3, I Saw the TV Glow, allez le voir. Et en voilà. Plus, il y a Justice Smith, qui est un acteur que j'adore. Et la soundtrack. L'original soundtrack, il y a Phoebe Bridgers, Caroline Polachek. Enfin, j'ai jamais vu ça depuis 10 dernières années. La musique est fabuleuse. Oui. Il y a quand même Le Normand et Sardou dans Les Leroi, mais d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais original soundtrack, donc les chansons étaient composées pour le film. Michel Sardou n'a pas composé. Voilà, petit tunnel. On n'a pas pu la garder pour des raisons de parole, mais il avait composé une chanson. Voilà, premier degré, petit tunnel, excusez-moi. Mais c'est pas un tunnel, je t'ai lancé. Aucun problème. Je t'ai lancé, Pierrot. Et toi, Adrien? Adrien, il a pas vu de film, mais Adrien. Nous les Leroi. Adrien. Parce qu'en fait, pourquoi il consomme pas d'art, Adrien? Non, bah, parce qu'il quand en. Même. Bon, c'était une façon de me lancer. Parce qu'il en fabrique. Oh là là. Parce qu'il a fait un achat récent. Oh là là. Je veux dire que j'ai rejoint la communauté des makers. Oh non, mais c'est trop grave. Non, mais grave. Je vais pas parler de ça, enfin. Ah branle. Si, mais bordel, bon. c'est les épisodes où on peut. J'ai acheté quand, une. Quand il y a des gens très connus, je te lancerai pas sur le sujet. Oui, bien là, sûr. Là, on peut y aller quand même. Je pense que Noémie Merlant aurait adoré m'écouter parler d'impression 3D en fait. Non, j'ai acheté une imprimante 3D. Ça y est, j'ai sauté le pas. Putain, en flure de merde. Et je sais même pas où ça s'achète, une imprimante 3D. Bah, moi, c'est très facile d'accès. Au magasin d'imprimante 3D. Mais oh, c'est con. Alors, moi, je l'ai commandé sur le site du fabricant. Ah oui. Mais notamment, il y a une boutique à Paris qui est une petite boutique qui s'appelle Let Me Know. Oh là okay. là. Et qui est un peu une boutique de. Donc je leur fais de la pub parce que je suis allé acheter du filament là-bas. Let Me Know qui est un peu une boutique spécialisée dans le DIY. Ils vendent des Arduino, ils vendent Raspberry Pi, tout ça. Enfin, les gens qui sont. Ah oui, là, qui font partie de la communauté des makers comme moi comprendront. Ah oui, parce que pour moi, c'est du charabia ce que tu dis. Non, mais vraiment. Et ils vendent aussi, notamment, je crois, des imprimantes 3D. En tout cas, ils vendent le matériel. Bon, bref. Mais donc tu peux acheter là-bas. Okay. Sinon, j'imagine qu'il y a d'autres. Je sais pas, peut-être. Non, mais tu le trouves pas genre à la Fnac ou des trucs comme ça. J'en sais rien. Tu te trompes, toi. Peut-être. Bah, peut-être. Continue, je vais faire une petite recherche. Non, peut-être il y a des pop-up, Non, mais c'est un. Ça, j'adore. Du coup, je m'initie du coup à la modélisation parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire mes propres trucs. Donc, j'ai fait quelques. Oh, très humblement des petits objets, des petits trucs et tout. Non, mais. Genre quoi, dis-nous. Mais ça m'intéresse. T'as fait un petit porte-serviette ? Non, un petit porte. Non, mais j'ai fait notamment. Parce que moi, j'ai les planches perforées. Chaque personne à qui j'en ai parlé, j'ai vraiment vu dans son regard qu'il en avait rien à foutre. Et là, je le dis à des millions de. Oh là là, il balance ça comme ça. Il a le flex. On est dans aucun top alors qu'on fait plus. Alors. flex. Oui. Mais j'ai les planches perforées IKEA là. Les SCADI, oui, bien sûr. Déjà, ça, c'est une merveille quand t'as une imprimante 3D parce qu'il y a plein de modèles préexistants qui existent. Tu t'imprimes des petits crochets, des petits trucs, tu personnalises. J'adore ça. Et moi, en fait, l'été dernier, dans une recyclerie, je m'étais acheté un porte-clés, c'est-à-dire les choses qu'on accroche dans son entrée pour accrocher ses clés. Bien sûr. Magnifique, un vieux truc avec des dauphins très kitsch et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de ce truc, parce que j'ai pas envie de planter des clous dans le mur juste pour ça et tout. Je me suis dit. Et du coup, j'ai claqué des doigts chez moi. Et en fait, j'ai modélisé un adaptateur pour ma planche perforée pour pouvoir accrocher précisément mon truc. Ça me rend fou. Et voilà, j'ai fait ça. T'es MacGyver ? J'ai fait. Et sinon, regarde. T'as fait mon prince Albert aussi pour. Ouais, je t'ai fait un bijou du rêtre également. Je le montre là. C'est pas très. Ah oui, jaune. C'est pas très friendly, mais je vous montre quand même ce que j'ai. Attends, c'est un des petits pieds que je vois là ? Attends, mais là, t'as créé. C'est des petits petons ? T'as fait des pieds à ton quoi ? C'est quoi ça ? Oh putain, j'ai envie de te. Oh, t'as fait un port liquide. Un port gel hydroalcoolique. Avec des petits petons. Ma petite bouteille de gel hydroalcoolique, ça fait quelques temps que j'avais collé des petits googly eyes. Oh non, mais toi. Parce que je suis farfelu. Oh là là. Est-ce que tu peux arrêter de transformer la vie en une fête ? Ouais. Oh là là. Et tu vois, je me suis dit, ah, il me manque un endroit pour le ranger le soir, parce que j'aime bien que tout soit à sa place, tu vois. Je me suis dit, mais attends. Il a des yeux, pourquoi il aurait pas des jambes ? Putain. Et donc, je vais modéliser pile à la bonne taille. Paf, je le mets dedans. T'as 5 ans, sale merde. Ouais, c'est vrai que. Je comprends qu'on le voit comme ça. Moi-même, je suis à mi-chemin. Fantaisiste. À la fois, trop cool. Et à la fois, je me dis, mais pauvre con, fais autre chose de ta vie, en fait. Évidemment que tu vas mourir pauvre si tu passes les jours à faire ça. Et voilà, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter. Et du coup, je sais pas si on va faire les. On va faire les recos. Ah, si, ok, je garde pour la fin. Alors, bien sûr. Je regardais quelques notes d'imprimante 3D. Dis donc, il y en a qui sont mal notées. Hein. Oh, non. Ah, mais la mienne, c'est. T'inquiète, j'ai fait. C'est une Flashforge Aventureur ? Pas du tout. Non. C'est Bambu Lab. Ah oui. Je le prononce comme ça pour éviter, évidemment. Et bien sûr. Oh, ça va, on n'est pas sur Twitch là. Oh, non, mais. D'accord. Bambu Lab. Merci, Julie Claire, pour le sub. Oh non ! Oh non, faut pas faire ça. Oh non, je suis pas bienveillant. Monsieur Chibre, j'ai des tatouages. Du coup, ça. J'ai acheté la Bambu Lab A1 Mini. Voilà, si vous voulez. Ok, d'accord. Ok, comme ça, si vous voulez avoir la même imprimante 3D qu'Adrien, vous pouvez maintenant. Elle est très bien. Et si, évidemment, des créateurs d'imprimantes 3D nous écoutent. Régalez-moi. Et toi, ton petit top, toi. Movie. Bah oui, non, top mais je. Top movie, le flow. Top movie. Bah attendez, là c'est Johnny. C'est vrai, il y a eu un peu de Johnny. Il y avait un petit peu de Johnny. Qui nous manque à Saint-Barth. Oh la vache. Johnny Hallyday. Vive le vent, vive le vent. Que dead à chaque fois le jeu de mots de Libération. Guitare. Non, je sais plus. Attendez, je regarde vite fait. Mais il y en avait plein. Moi, je les mets sur Insta, effectivement. Oui, bah, l'histoire de Suleiman. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, t'as détesté, toi, Here de Zemeckis. Ah non, je veux pas détester. Non. J'ai juste, c'est un cauchemar. Ah oui, voilà. Bon. À savoir, la, non, mais la CGI, il les a mis. Enfin, un moment. Je sais pas. Moi, ça, moi, je trouvais que ça a marché. Terrifiant. Paralysie du sommeil, ça, c'est très à la mode de dire ça. Ouais, ouais, ouais. Vampire humaniste. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. De voilà Anne, j'ai mis A.Louis XVI et donc du coup je ne sais pas son prénom, c'est Anne me suce le sein. Parce que c'est un film québécois. Pardon. Mais qui est un très joli film, je crois, qui est sur Canal en plus. Il est génial. Et qui est très rigolo et très joli. Et ouais, ça m'a rappelé. Parce que ça me fait des recos pour moi. Ah, mais tu mec, régale-toi. La nuit se traîne. Incroyable, la nuit se traîne. Film nuit belle, sublime. Bah, c'est la nuit n'en finit plus. C'est génial. Et je mens, moi. Oui, mais toi, c'est bouge pas chaud, le gars. La nuit, ouais, ouais, je mens. Non, mais moi, je mens. Je prends le train à travers la plaine. Bah, là, elle se traîne, dites-vous. Que, ah, voilà, la nuit. Ah, mais t'en avais. Attends. Je l'avais recommandé. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'as dans. J'avais sans doute déjà fait cette blague. Je suis vraiment de merde. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dans tes bottes? Dans mes bottes? À part des montagnes de questions. Pardon. Parce que j'avais envie d'aller sauter à l'élastique. Dans le Vercors. Dans le Vercors. Voilà. Si tu dis pas oui, où tu sautes. Ouais, ouais, on l'a vu, on l'a vu. Love Lies Bleeding, moi j'ai oui, vachement aimé bien. Aussi. Quoi, quoi? Love Lies Bleedings. Ok. Ça en dit long, ça. Voilà. La vie pour moi. La oui, fin oui. est géniale. The Wild Robot, super dessin animé que j'ai trouvé très mignon. J'ai hâte de le voir, ça. Ouais, ça, c'est vraiment bien. All of Us Strangers, qui était après, très comme tout très le monde film. M'a dit, tu vas chialer, tu vas chialer. J'ai pas peur temps. De. Non, j'ai peur de pas chialer. Les gens ont trop. Après, je chiale. J'ai beaucoup chialé. Chaque jour, mais. Après, j'ai fait une séance de 22h30 seul dans un cinéma. C'est long. Fatigué. T'es con. 22h30, c'est long. Arrête, ouais. Il est long le film. Arrête, Avatar 6. Il doit y avoir des pauses pipi, je pense, pendant. Mm. Si ça dure 22h30. Avatar l'époque. Ouais. C'est le prochain. Hein. Oui, j'ai liké le. Avatar l'époque. Et dessus, le navire est comme ça. Il est comme ça. Il est comme sur une vidéo. Alors, je précise, parce que là, on pourrait croire que Pierre fait semblant de rire. Il rit vraiment. Parce que là, au son, on dirait que tu fais semblant. Regardez, je suis en fin de maladie. Oui. Je me suis fêlé une côte. Allez. Donc, rire, ça peut être une souffrance. Donc, j'essaie de faire tout dans donc, le ventre. Ah, donc c'était ça, c'était mi-souffrance, mi-rire. Et que je, tout est dans le ventre, les amis. Okay. Une définition du flotcast. Hein. Et de ma vie également, de bien plus sûr. Générale. La vie de ma mère, Julien Carpentier, je trouve ça super joli aussi. Ah putain, moi aussi, ça, ça peut trigger pour moi ça. Ouh là là, j'ai peur de voir ça. Un petit peu. Et Society of the Snow, alors qui est sorti il y a très longtemps, de Bayona, qui était sur Netflix, bah, il est sorti vraiment genre le 3 janvier 2024. Oh là là. Sur l'équipe de rugby qui s'est crashé dans une montagne et qui ont dû se bouffer entre eux. Ah, mais je l'ai vu! Qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que c'est bien! Super, c'est trop! Ah, il a pas trop aimé, il a pas trop aimé! Pareil, on a dû me le survendre. Il a préféré les bronzés fonds du ski dans le même. Oui. Ah, donc j'ai vu. Ah, mais pas cinéma du coup. C'est bah, plein de fois. Ouais, ça reste du cioche. Non, non, ça, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je déteste les gens. Et d'ailleurs, Netflix, très bon catalogue cette année. Regardez Rebel Ridge et East Street Daughter, c'est très. J'ai vu Rebel Ridge aussi! Mais voilà! Pareil, on me l'a survendu. Et Will and Harper aussi. Will Harper, incroyable. Nommé Will Ferrell, je pense. Ouais, bah j'espère. Ah, ça je l'ai pas vu. Mais attends, oui, en fait j'ai vu. Aucun au cinéma, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, c'est vrai que j'ai, du coup j'ai vu. T'as rattrapé. Non. Ah, non, mais pas deux films qu'on m'a sûrement survendu et du coup j'ai fait. Mais ça c'est quelque chose. Et là je vous pose une question. Quand on conseille un film aux copains, souvent du coup fatalement on survend, sinon je n'en parlerai pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais c'est non, rare non, que je dise, oh, y a non. ça, tente-le, tu le regarderas pas. Si, il faut. Si, ah, si, ouais. Si, parce que moi en fait. Moi je trouve bien... que. Je finis juste ça, je trouve que quand tu le dis à quelqu'un. T'es, forcément tu le survends pour qu'il ait envie de le regarder, tu vois ce que, ouais, je veux non, dire, ce que tu veux dire. Non, parce que pour moi c'est comme les cadeaux en fait. C'est-à-dire que parce que pour moi une bonne recommandation c'est comme un bon cadeau. C'est-à-dire que c'est tu connais bien la personne et si quelqu'un qui te connaît bien te dit oui. regarde-le, c'est genre ah lui il me connaît bien donc c'est que il sait que ça va me plaire, tu vois. Ouais, donc ouais. il a pour moi si c'est quelqu'un qui me connaît bien, il a pas besoin de me le survendre, juste le fait qu'il me le recommande déjà me donne envie de le voir. Je trouve ça plus difficile un film de conseiller, enfin même il y a des gens que je connais très bien. Bah tout à l'heure, tu vois, je t'ai parlé d'un film et je savais pas si Pierre allait l'aimer ou pas, tu vois, c'est difficile des fois. Oui, les gens oui, sont pleins de surprises. Oui, mais après on a le droit à l'erreur encore. Non mais c'est canevas blanc. Non mais après cette recommandation, tu l'as vraiment eu de quelqu'un ou tu l'as lu sur internet potentiellement quoi que ce soit, parce que le truc de Society of the Snow, tout le monde en parlait, tout oui, le monde oui, disait non, ça. Bah, moi je me dis que j'étais scotché machin et tout. Et du coup, bon, ça m'a. Après, tu détestes la neige. Ouais. Du coup, là, bon. C'est pour ça qu'il a le peu de jus. Ouais. Il peut t'inviter, quoi. Ils peuvent m'inviter. Ah, il manifeste. Non, mais en plus, je plaisante. Hein, il déconne. Pourquoi m'inviterait-il? Après, il y a vraiment des influenceurs. Ouais. Le cinquième. Et le cinquième que j'ai mis, le retour du Big Deal. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Le retour, non, du roi, 2025. Le retour du roi. Moi, je le mets dans mon top ciné 2025 déjà. Ça, le retour du Big Deal. Est-ce que vous non, avez mais par vu... contre, c'est fou le carton. Ouais, ça, c'est non, quand c'est même beau, assez dingue. C'est-à-dire que le... Ah ouais, ça a cartonné. Ah, mais ouais. Mec, ça fait plus que TF1 et M6. Un million. Alors que c'est la chaîne RMC Story. Ça va chuter très vite. Pas du tout. En fait, ils ont fait la deuxième émission. Elle a fait plus que la première. Non, mais tout le monde s'attendait à une première émission, genre on veut tous regarder et une grosse descente sur la deuxième. Et là, par exemple, ce soir. Trop cool. Ça passe à la télé ce soir, alors on l'enregistre, hein, pas alors vous écoutez. Et nous les Leroy est en face. Est-ce que je pouvais imaginer dans ma vie que mon premier Oppenheimer ce soir, littéralement, qu'est-ce qu'on va faire? Que mon premier film soit face au Big Deal. C'est un rêve de gosse pour moi. C'est un rêve, mais c'est plus que faire un film, c'était ça que j'attendais. Waouh. Donc voilà. Et t'as pas regardé Adrien? Non, j'ai pas regardé. Moi, je me suis laissé tenter. Je sais que Pierre aussi. J'ai regardé et je me suis vraiment dit. YouTube a vraiment pris plein de trucs à la télé, quoi. Les espèces de petits trucs un peu de kermesse, machin et tout, de petites activités. Ah bah, tu voudrais dire que les YouTubeurs ont inventé très peu. Oui, oui, on savait, hein. Oui, mais de là à trouver du. Ouais, dans le Big Deal, je m'y attendais pas. Oh, attendez-moi, ouais. Voilà. Mais. Ouais. Je sais pas si c'est 2024, mais vous l'avez vu le film, j'ai oublié le titre, bien sûr. Yes. Dans un aéroport avec Jason Bateman en méchant, là. Non. Qui est sur Netflix. Ah oui, non, j'ai pas vu. Avec le gars qui fait Elton John. Targaryen. Targaryen. Edge, Edder, je sais plus, qui avait fait Rocketman. C'est ça. Non, il paraît que c'est Edgar Reeves. Ça fait un film sur rigolo. Edgar Reeves. Ok. Edgar Reeves. Je voulais dire un nom pour qu'on passe autre chose. Mais t'as regardé, toi? Non. Ah non, mais. Non, mais il paraît que c'est bien. C'est un petit film d'action sympa. En fait, c'est Mehdi Maizi dans le Mousecast qui. Mais justement, il l'a pas survendu, c'est ça qui est bien. Il a dit, c'est un bon 6 sur 10. Ouais. Mais genre, t'es content de le voir, mais en même temps, c'est je pas. L'ai regardé. Du coup, ça m'a donné envie, tu vois. Je l'ai regardé, j'ai bien aimé. C'est un bon film que je conseille. Tu poses le cerveau. Voilà, donc quoi. Voilà. Mehdi Maizi sent divinement bon. Voilà, je tenais à vous le dire. Moi, j'ai écouté le podcast de Jean-Baptiste, que j'embrasse, avec lui, et je me suis trouvé beaucoup de points communs avec cet homme. Mais non, parce que c'était un podcast inverse, à savoir, il appelle ça le podlies. Ce truc de des trucs qu'on a kiffé, qu'on a apprécié. Et il parlait du pain du Leclerc. Et alors là, le pain ignoble du Leclerc. Ça aurait pu être le titre de Nous les Leroy, quoi. Ouais. Mais il m'a fait une madeleine, comme on dit. Le pain pas très bon du Leclerc. Et c'est vrai que moi, il me plaît encore. Il me plaît, je l'aime. J'aime ce pain. Ouais, non, mais j'ai envie de le voir, du coup, ce film. Et après, tout le monde disait oh là là, Jason Bateman en méchant, c'est incroyable, c'est fou, quel contre-emploi. Alors que je trouve pas tant en vrai, qu'il a une vibe un peu de mec un peu. C'est un super acteur. Acteur, mais souvent il a joué des rôles antipathiques, donc le pas vers un méchant n'est pas si. Surtout dans Ozark, il y a des phases un peu Darkos. Déjà. Ozark limite. Et il joue d'ailleurs Darkos, le youtubeur. Oui, bien sûr. Il l'interprète. Ah oui. Niveau gaming. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu? Parce que moi, bon, je suis une merde, évidemment. Moi, j'ai acheté le jeu Star Wars. Écoutez-moi bien, j'y ai joué 6 minutes. Et toi, c'est ta spécialité, c'est ça. Oh là là, putain, je suis vraiment une chiasse. Parce quoi. Que je t'ai vu devant mes propres yeux acheter un jeu Parkitect, c'est ça? Non. Ah oh ouais, putain, Planet Coaster. Oui, parce qu'il adore les jeux. En fait, quand j'étais gamin, j'avais passé des jours entiers sur Roller Coaster Tycoon 2. Voilà. Et donc, là, en plus, j'étais vraiment. Premier degré, content parce que je te vois acheter un jeu et tout. Je me suis dit, ah bien, il va jouer et tout. Non, il n'a jamais joué. Tu n'as pas joué du tout? Je l'ai ouvert. En fait, le problème, c'est qu'il y avait des trucs de gestion d'argent qui m'ont saoulé très vite. Et j'ai fait... Bienvenue dans le vrai monde, en fait, mon pote. Mais non, moi, je vais dans un monde virtuel. Pourquoi? Pour me déconnecter de ce vrai monde. Bon, bref, non, mais j'y ai joué vraiment 10 minutes et j'ai arrêté, ouais. J'y ai jamais rejoué de ma vie. Non, mais alors vous avez joué à quoi? T'as joué à Balatro? Bah oui, mais non, c'est trop. Pas les règles, hein, parce que là, je vais péter un câble. Mais pardon de le dire. J'ai fait un score trillion, trilliard. Il y avait même plus de trucs, j'étais sûr. Avec le E là, non, quand même pas. Si. Si, tu l'as fait, ça. Ouais, joli. Mais alors, moi, il y a un truc, c'est que je vois plein de vidéos. Je regarde des vidéos sur Balatro parfois. Oui. Mais il y a des vidéos genre. Comment gagner à chaque partie, comment... Mais je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Putain, en fait, moi je vois des gens qui jouent et tu sais qui appliquent des recettes. Ouais. Quel intérêt du coup de jouer? Moi j'aime bien justement, c'est ça que j'aime mais bien. Les gens veulent avoir la méta. Ouais, mais moi j'aime bien justement te démerder puis trouver toi-même des solutions, quitte à pas faire des scores incroyables, mais se démerder, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais non, les gens, voilà, ils veulent tout dans la bouche, ils s'abreuvent de trucs, tu vois. C'est comme le Wikipédia, le chat GPT, ils sont pas intelligents, ils sont par procuration intelligents. Vous faites chier, en fait. Voilà. Moi, j'ai toujours été ce mec-là. Moi, j'allais dans les mags, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un magazine dont j'ai toujours cherché le nom parce que je voulais revoir la mascotte qui était un bonhomme bleu. Alors là, s'il y a des gens qui écoutent le podcast, n'hésitez pas, c'était un magazine de jeux vidéo. Ok. Et la mascotte, c'était une espèce de personnage bleu avec deux bras, deux jambes, mais il avait pas trop de... Enfin, une tête, Sonic, mais là, je pense. C'était Sonic. Putain, bien joué. Ok. Et il avait la voix de Malik Bentala. Bien sûr. Mais non, mais c'était un personnage bleu et je sais plus comment s'appelle ce magazine. Alors là, offrez-moi cette madeleine, je vous en supplie, je suis Gaspard Proust. Je veux bien avoir une petite madeleine sur ce magazine. Merde, j'ai pas du tout. Non, c'est un magazine. En fait, je cherche le nom d'un magazine parce que j'achetais ce magazine et je lisais les solutions à GTA pour avoir toutes les armes. Oh non. Et j'ai oublié le nom de ce magazine et je sais que la mascotte, et des fois il la mettait un peu dans une BD et tout, c'était un bonhomme bleu. Et si quelqu'un s'en souvient dans les auditeurs, c'est peut-être un truc sur le bout de la langue, effectivement. Ouais. Voilà, bon bref. Et potentiellement. Je l'ai pas. Donc ton jeu, Adrien, que t'as kiffé cette année. Balatro, bien sûr. Ah ouais, number one. Pour moi, c'est le GOTY. Ouais, pour moi, c'est le GOTY. Après, je regarde un peu du coup, mais j'ai pas. Putain, j'arrive pas à classer par. Après, le jeu événement rigolo, Dress to Impress sur Roblox, effectivement, ça a fait jaser. Ça, c'était quoi? C'est toi qui fais ça? Je connais bien jaser. Dress to Impress, donc qui est un mode de Roblox, okay. Et qui avec tes amis ou pas, souvent tu te fais humilier par des enfants de 8 ans, mais tu dois avec un thème donné t'habiller dans ce thème et après tu es récompensé ou non par des bonnes ou mauvaises notes. Et voilà, ça a fait un peu le buzz. Effectivement, Magla a fait une adaptation sur YouTube. Ça a été un peu le jeu événement, effectivement. Jeu événement. On est d'accord que Dress to Impress c'est déjà un truc qui existe avant ça. Avant le truc de Roblox. Bah, j'imagine. C'est mon surnom, déjà. J'avais déjà vu un YouTuber faire exactement ce format. Je me demande si c'est pas Mixem d'ailleurs qu'il avait fait. Ok. Moi, je sais plus. En IRL, tu veux dire? Oui. Ah, ça me dit rien, ouais. J'avais déjà vu. Après, je sais pas. Moi, j'ai fait Balatro. Là, j'ai refait beaucoup de Vampire Survivor. Qui a fait avec beaucoup de mises à jour et dans le même. C'est quoi ça, pardon? Vampire Survivor, je sais plus c'est quoi le terme. Tu sais, maintenant dans les jeux, t'as un terme, t'as les MOBA, les Orbs de Chess et tout comme ça. Comment tu le dis? C'est un scroll Survivor ou je sais pas quoi. Effectivement, tu as un petit personnage et tu subis des vagues. D'accord. Des vagues d'ennemis. Et à chaque vague d'ennemis, tu as de l'expérience qui te permet d'avoir des pouvoirs. T'es Kelly Slater un petit peu avec toutes ces vagues. Exactement. L'air d'Hamilton. En fait, ton personnage tire automatiquement, c'est ça le. Exactement, tu n'as rien à faire, juste à te déplacer. Tire automatiquement, et toi, tout ce que tu peux faire, c'est te déplacer. Et à chaque niveau, tu choisis une upgrade pour ton personnage. Et donc, tu as un choix entre 3, je crois, à chaque montée de niveau. Et tu dis, ah, bah, peut-être que ça va me permettre de faire des synergies. Mais tu. Voilà, faire des synergies. Tu n'es pas conseillé ça, déjà? Non, parce que moi, j'ai pas du tout accroché. Ah, t'as pas accroché? Du coup, il y a Deep Rock Galactic Survivor, donc qui est une allitération de Deep Rock. Qui était un jeu de minage. Et là, et du coup, en Survivor, c'est vraiment pas mal. C'est Fall Guys, quoi. Non. Mais après, j'ai pas tant que ça trop joué. Et moi, j'ai juste dit, jouer à Before Your Eyes, qui est disponible sur Netflix partout. Et je dis aux gens. Ah putain, tu fais partie de ces gens qui jouent au jeu Netflix? Il y a tant de gens qui font ça. C'est une possibilité pour les gens de jouer à ce jeu qui, je dis que ça dure 3-4 heures. Et en termes d'expérience narrative et trucs comme ça, il faut savoir que c'est un jeu vidéo. À chaque fois que tu clignes des yeux, tu avances dans la vie. Okay. Et donc du coup tu as toute la vie tu commences de l'enfance à l'âge adulte. Ah mais tu nous en avais parlé, et ça j'avais dit, et maintenant il est sur Netflix et smartphone. Et vraiment jouer à cela, Before Your Eyes. Mais du coup si c'est sur Netflix, si t'es abonné, c'est gratos. Oui. Ok. Et sur smartphone. Moi j'ai jamais utilisé les jeux Netflix. La dernière fois j'ai failli parce que j'ai vu qu'il y avait un GTA, je crois. Enfin un vieux San Andreas. Et je me suis demandé comment ça pouvait marcher avec la télécom. Je pense que tu stream comme ils avaient fait Microsoft, je sais plus quoi, ou là peut-être Adrien sera mieux que moi. Ouais. Mais c'était un fiasco total avec la manette. Ah non, je crois que tu parlais. Viva ou non, je sais plus quoi. Il y avait une manette. Oui, ça me dit quelque chose pour le coup. Microsoft, je sais plus quoi qui avait lancé, et tu pouvais streamer les jeux. Ouais. T'avais juste un petit. C'était un fiasco total. C'est pas le truc Nvidia, non, c'est pas ça. C'était, je crois que ouais. Moi, j'ai un souvenir des premiers jeux sur les télés, c'était fou. Hein. Ah ouais. Quand c'était Snake ou des trucs comme ça, j'ai un souvenir de Snake sur la télé de ma grand-mère. C'était les tout premiers. Sur internet, le jeu E égale MC, c'était fou. Bref. Est-ce que tu as trouvé d'autres jeux? C'est terrible parce que tous les jeux que je trouve, en fait, Tu m'as lancé sur Parlons Gaming et j'ai l'impression que tu n'as pas grand chose. Parlons Gaming, qui est un podcast. J'avais prévenu, hein, cela dit. Moi, il y a un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Dysomancer. C'est quoi? Qui est un jeu, alors, je vais pas me relancer dans une explication, non, mais en gros, c'est un peu, c'est un deck builder un peu à la manière de Slay the Spire. Ouais. Okay. Mais donc, c'est-à-dire, t'as un ennemi, t'as des cartes. Et tu joues tes cartes à chaque tour qui sont tirées aléatoirement, blabla. Et là, il y a la particularité que parfois tu peux jeter un dé. Donc c'est un truc spécial que tu peux jouer par moment. Et en fait, tu peux remplacer n'importe quelle valeur numérique qui est à l'écran par le résultat de ton dé. Donc okay. Par exemple, ton ennemi, il a 100 de points de vie. Tu jettes ton dé, tu fais 4 et tu dis bah en fait, il a 4 de points de vie. Et donc tu peux, il y a une espèce de comme Baba Is You, tu peux modifier les règles un exactement. Petit peu. Exactement. Okay. Et du coup, mais du coup, des fois tu fais ça, mais en fait, t'avais pas vu que il avait 15 de bouclier et du coup, en fait, son coup ne passe pas le bouclier, et du coup ça ne sert à rien. Donc en gros, du coup, c'est pas mal, ça ajoute j'y ai pas beaucoup joué, mais je trouve le principe non mais j'ai envie de m'y remettre, tu vois, Baldur's Gate et trucs comme ça, j'ai pas joué, ouais, mais ouais. Là j'ai eu le Steam Deck. Donc je suis le Rubin, pas d'un Steam Deck. Caves of Cud aussi. Steam Deck, le nom de ton enfant d'ailleurs. Exactement. Steam Deck Squid Game. C'est le prénom composé. Ah oui. Caves of Cud aussi, j'y ai pas beaucoup joué, ouais. Mais je vais m'y replonger parce que c'est vraiment c'est en gros un RPG, mais avec une énorme profondeur où tout est calculé. Enfin, c'est-à-dire que tout, tu peux vraiment, t'as une grande grande liberté dans le jeu. Alors après, les graphismes, c'est vraiment on part 20 ans en arrière, quoi, ouais. Voire plus. C'est très minimaliste, mais la profondeur du jeu en termes de tout ce que tu peux faire est immense, donc ça me donne envie de me plonger. Est-ce un que tu peu peux plus. Baiser? Je sais pas. Okay. Mais toi, t'es contre les. Enfin, t'es contre. T'es pas friand des jeux basiques, FPS ou des trucs comme ça? Pas trop. Ouais, non, pas trop. Non, pas trop. Les FPS, non, j'avoue que t'attends j'ai jamais... pas le prochain GTA, par exemple? Si, mais moi j'ai toujours été déçu par les GTA parce que justement, je trouve qu'il y a une fausse. Liberté en fait. D'accord. C'est-à-dire que t'as une liberté dans tes déplacements, dans ce que tu peux faire. En fait, dans GTA, je trouve que t'es libre, mais il y a une sorte de paradoxe en gros, où en gros, tant que tu fais pas la mission, t'es hyper libre, tu peux aller n'importe où, tu peux buter tel mec, prendre telle voiture, machin. Mais dès que tu t'es vraiment dans le jeu, tu fais une mission, ils te disent allez sur tel point. Oui, bah et, oui. Et donc tu fais oui, bon, bah, en moins de 3 minutes. Moi, c'est, moi, non, mais GTA, c'est genre c'est pour commencer la mission, faut que t'ailles te mettre sur un point de la map et tout. Il y a aucun. C'est pas du tout organique. Comme dans sur la un Hitman où tu aurais plusieurs façons de compléter une quête, c'est ça qui te manquerait, tu vois. Déjà, il y a un côté, genre, il y a une manière limite de finir la mission, il y a aucune créativité. En fait, moi, j'aime bien les jeux qui font appel à la créativité du joueur. Oui, toi, tu pourrais faire un jeu, par exemple, genre, tu percutes un gars au hasard, mais le gars au hasard, ça lance une mission parce par exemple, que t'as percuté tu vois, ce gars-là. Ouais. Que, quitte à faire un truc sandbox, ouais. Que tout le jeu, en fait, il n'y a pas tant de gameplay émergent, finalement, dans gameplay émergent, c'est-à-dire du gameplay qui. Et découle de tes actions en fait. Ouais. On a pas tant que ça. Mais ça me paraît très difficile, non? Ça existe des jeux comme par ça. Par exemple, il y en a un peu plus, je trouve, dans un jeu qui est cher à ton cœur, qui est Far Cry. Il y en a un peu plus dans Far Cry. C'est pas. Oui, c'est vrai. Un peu. Genre, tu vas tuer quelqu'un, il va appeler des gens, machin. Il y a un peu ça. Mais en vrai, dans GTA, ça se résume à tu fais une connerie, les flics te courent. Enfin, je trouve que. Il y a quelqu'un qui avait employé une métaphore qui était genre la surface d'un océan, la profondeur d'une flaque, un truc comme ça. Star va mal dormir ce soir. Non mais attends, je crois bigodo ou quoi? Je crois que c'était dit pour Skyrim, je crois. Mais je trouve voilà, moi je tu vois, une fois que t'as un peu utilisé la liberté qu'on t'offre. Bien sûr. Je trouve qu'il n'y a pas tant de liberté dans le gameplay. C'est ça, qui me. Alors que, tu vois, moi, je m'amuse plus sur des jeux comme dont je parlais. Des jeux qui sont. Tu vois, genre Minecraft, je trouve que justement, dans le gameplay, tu as une grande liberté parce qu'il y a un côté genre. Bah, voilà les outils qu'on te donne en main qui sont des cubes, quoi. Et puis après, tu fabriques tout ce que tu veux et tu fabriques un peu ta façon de jouer. Là, il y a un côté genre, oui, bon, bah, va à tel endroit, on va te donner une mission, va à l'autre endroit, va tuer tel mec, machin. Il n'y a pas de. Genre, il y a par exemple un jeu comme Streets of Rogue où même les missions elles sont générées aléatoirement, tu vois. Donc, c'est à dire à chaque fois, c'est jamais la même partie, tu vois. Okay. Alors, moi je trouve que ça me manque un peu dans GTA, c'est pour ça que je m'en lasse vite. Ouais. Les missions ont commencé. Mais tu as commencé. Et sinon, il y a, pareil, j'y ai pas trop joué, mais j'ai hâte de d'y jouer plus. C'est UFO 50. Je sais pas si t'as vu ça. Non. En gros, c'est des développeurs indés. Ils ont sorti un jeu qui est en fait une collection de 50 jeux. Putain. Et en gros, la façon de décrire les jeux qui correspond bien au projet est en fait, c'est sur la forme, c'est des jeux vraiment genre des jeux NES, quoi. Donc c'est vraiment un hommage aux jeux rétro, quoi. Mais en termes de gameplay, c'est vraiment, ils s'inspirent du gameplay, des mécaniques de gameplay modernes, quoi. Donc t'as des deck builders et tout, mais avec des graphismes de NES. Et donc t'as 50 jeux, quoi. En plus, je sais plus combien ils coûtent, mais c'est pas énorme. Et t'as 50 petits jeux, entre guillemets. Donc ils sont pas tous, tous des bangers, quoi. Mais t'es sûr de, bah en fait ils sont tous très bien parce que c'est tous des développeurs très forts. Mais t'es sûr au moins de trouver ton compte et. C'est juste une anthologie où tout est lié. Que tout ça alors, fait qu'un. Comme le petit tout, page, alors, je sais pas quoi. Je sais pas parce que justement j'ai pas. Mais je sais que ils ont vraiment poussé le truc, genre ils font comme si c'était. Ils créent un peu une mythologie autour de chaque jeu, comme si c'était des vrais jeux existants et tout. Donc il y a un côté un peu voilà. Un peu nostalgique et en même temps des vrais bons jeux. Voilà, j'ai hâte de tous les tester. Il y en a littéralement 50. Dans ta gueule, Origami. Mais quand tu parles de gameplay, tu parles de présentateur de légende. Bien sûr. C'est bon. Allez. Pierre Laps. Musique. J'ai envie de te parler de musique. Voilà, je ferai. Oh, est-ce qu'il y a un truc en musique? Je vais pisser, j'ai envie de pisser. c'est presque vexant, mais non. Mais tu le découvres? Mais non, au bout de 10 piges, tu le découvres? Non, mais effectivement, c'est l'année Chapelle Rhône qui. Ah oui. C'était décevant parce que. Il parle pendant qu'il pisse, hein, faites pas attention. Non, que déçu de ne pas l'avoir vu au Bataclan, mais heureux de l'avoir en scène cette année. Une icône pop avec un franc-parler. Voilà, coup de poing, on adore. Non, vraiment, c'est un album que j'ai le plus poncé. Après, voilà. Dans ton top Spotify, elle était tout en haut. Clairement. Ah ouais. Clairement, clairement. Moi, tu sais, j'ai deux moods. Ouais. Soit le hardcore. Ouais. Bah, tu vois, vraiment, la maison Barbie et la maison toute noire, le même. Là, bah, c'est moi, toi, quoi. C'est j'ai toi, deux moods. Mais c'est toi. Et après, sinon. Bon, ouais. Bon, Nightmare, t'étais déprimé. Voilà. Tu ne savais pas où aller, les deux. Non, mais clairement, j'ai ces deux moods-là. Et après, moi, donc, du hardcore, effectivement, il y a une scène émergente en France qui est très, très cool. Et n'hésitez pas à aller voir sur Paris. Et c'est bien de voir. J'ai l'impression qu'il y en a partout, en plus. Renouveau. Des concerts de hardcore, de metal. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être que je follow des potes qui y vont souvent. Bah, ça fait mieux en ce moment. Mais il y a des lieux, surtout. Et on manque de lieux, et c'est vrai qu'il y a l'espace à Paris, bon, pas tout le temps parce qu'il y a des problèmes de voisinage et trucs comme ça, parce que c'est souvent du rock fort. Attention, donc ça envoie des watts et trucs comme ça. Attention, quand c'est on parle pas de fromage, bien sûr. Hein. Non, mais. Ah, putain, j'ai envie de péter mon crâne. Je me permets, les gars, je me permets. Et non, Fontaine d'ici pour moi cette année. Fontaine et donc, ça, c'est du hardcore? Non, c'est ça, c'est groupe rock, post-punk, on va dire, et qui a fait un album qui s'appelle Romance et qui est absolument fabuleux et. Enfin, dans l'écriture, dans les paroles, qui va prendre un peu dans les années 90, un peu, ouais, je sais pas. Enfin, ça va emprunter un tout, groupe irlandais, politiquement. Là aussi, ça qui fait du bien en ce moment. Et non, c'est vraiment un projet absolument parfait. Tu kiffes. Ouais, que j'espère voir en concert. C'était quoi la chanson? Parce que pour les gens qui le savent peut-être pas, tu fais un truc depuis. Ça fait pas 10 ans aussi? Une seconde 10 par ans. Jour 10 une ans, seconde cette par année, jour. Ouais. Donc, truc que je t'ai. Totalement volé, enfin que j'ai fait à ma sauce. Après, c'est Adrien qui l'a fait. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Adrien qui dit qu'il fait pipi, mais c'est un caca. Hein, oui, faut oui, le dire non, maintenant. C'est un caca. C'est un caca. Oh là là, il claque les portes comme il claque la gueule des bien pensants. Oui, c'est quoi la chanson cette année? Elle était vachement bien que t'as utilisée. Sofiane Stevens. Bah, c'est très beau. C'est incroyable, une très belle qu'on chanson. On a pu voir sur l'original soundtrack de Call Me By Your Name. D'accord. Qui a fait tout ça et voilà, qui a sorti son projet Javelin l'année dernière. Très bien. Semble, et bah voilà. Qui est incroyable. Et n'hésitez pas à regarder les une seconde par jour. Moi, je me rends compte que je l'ai fait vraiment. Enfin. J'aime trop me replonger dedans maintenant, les mater, ces trucs-là, ces espèces de bilans d'une année entière. Bah là, j'ai pu faire le bilan des 10 ans. Ouais. Justement, du coup. T'as tout regardé? Ouais. Ah, enfin, ça fait 10 ans que tu fais? Le mégalo. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu fais. Attends, moi, je trouve ça pas ça mégalo. Hein. Non, mais je trouve que c'est comme regarder un album photo, quoi, tu vois. Là, on est sur une heure de contenu. J'ai pas regardé une heure de contenu. Je dis, j'ai fait 2015 et du coup, j'ai fait la dernière année. Ah oui, t'as regardé le changement. Ah oui, d'accord, ouais. Et qui est assez incroyable, quoi. Bah ouais. Il y a un babies maintenant. Le petit babe qui, en termes de storytelling, planning est parfait puisque ça arrive en décembre. Bah, tu l'as fait à ce moment-là pour ça d'ailleurs, je crois que c'était tout était calculé. J'ai envie de vous demander une petite recommandation culturelle. Mais putain, ben oui, là, un truc que vous avez aimé récemment. Alors là, on a parlé musique, on a parlé cinéma, on a parlé gaming. Ça peut être aussi des bouquins, ça peut être aussi de la BD, ça peut être aussi. Mais tout. Ça peut être tout en fait. Et qui y va ? Bah, toi, Pierre, vas-y, t'es lancé. Les amis, j'ai envie de vous offrir ce cadeau-là, gratuit, qui ne demande pas de piratage. Oh. De toute façon, les gens ont perdu cet usage. mais il y a sur YouTube, en gratuit, une émission qui s'appelle Taskmaster, qui va être pompée d'ici 6 mois par un YouTuber, par Squeezie, qui va être adapté sur Prime Video avec Inès Reg. Tu sais que je suis fan et je n'en ai jamais parlé dans le Floodcast parce que je me dis peut-être un jour je. Et moi, mon but, c'est d'être suffisamment connu. Ouais, moi, j'avais l'espoir secret de faire l'adaptation en français. Alors attendez, si on nous écoute. Je vais me faire doubler. Mais non, faites-le avec Adrien. Adrien. C'est les gens qui connaissent. On préchote. Les gens qui connaissent, on rêve de voir ça. Mais ouais. C'est sur YouTube. Et donc, Taskmaster UK est disponible. Non, réponds pas à ma question. Mais bien, laisse-moi. Il y va. C'est fou. Il vient de Shotgun. Non, mais Taskmaster là, de manifester. Manifeste. Non, mais vas-y. J'aurais pu manifester aussi. C'est là où je me fais avoir à chaque fois. Te laisse pas emmerder, putain. Taskmaster UK, les amis, qui est disponible intégralement sur YouTube, dont la dernière saison, et qui est incroyable. Pour rappeler, Taskmaster, c'est le Taskmaster et son assistant qui accompagnent pendant un mois des comédiens et comédiennes, et ils doivent accomplir des tâches souvent absurdes, et il y a le côté un peu bac à sable où pour résoudre une tâche tu as une façon différente de le faire. Par exemple, un exemple, j'ai un manche à balai avec un bol plein de paillettes. On te dit va mettre le bol de paillettes dans le frigo, et donc là les gens ils sont comme ça, des trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte que la petite astuce, c'est que le bol de paillettes, il est collé au plafond. Et c'est juste un autre bol de paillettes qui est juste à côté de toi, que tu mets dans le frigo. Et en fait, il y a plein de petits twists comme ça, des petits trucs comme ça. En fait, c'est... Alors, pas toujours. Parfois, c'est toujours. Juste... Non, mais c'est... Oui, mais... Non, c'est pas toujours, il fait. Non, pas toujours, bien sûr. En fait, c'est très dur à pitcher. C'est pour ça que je te back aussi. C'est que quand tu pitches le truc, tu te dis, oui, bon, ça a l'air nul, mais... En fait, c'est le concept est très simple, mais on en revient à exactement ce que je disais tout à l'heure sur le gameplay. C'est-à-dire, t'as une tâche très simple à faire, mais voilà tous les trucs qui sont à ta disposition pour la faire. Et en fait, chaque personne va faire une méthode différente, et c'est ça qui est trop marrant. Et c'est vrai que parfois, il y a des trucs où tout le monde... Par exemple, je sais qu'il y avait un truc où c'était « il faut peindre quelque chose ». En fait, t'as un chevalet qui est posé sur un énorme tapis, et ils disent « il faut que tu... » peigne quelque chose sur la toile, mais attention, t'as pas le droit de marcher sur le tapis. Donc il y en a plein qui se construisent une espèce d'immense pinceau en collant plein de trucs les uns aux autres, et ils peignent ça à distance, et il y a un mec qui fait bah je peux juste rouler le tapis et m'approcher et peindre normalement, et il y a plein de... Et donc c'est tout le temps des petits tricks de cerveau comme ça. Pas toujours. Non, pas toujours. Juste, ouais, là, des fois il y a juste bon bah il faut le faire, et c'est... Ouais, maintenant c'est t'as les je sais plus comment ça s'appelle, doorbell, enfin avec les caméras, quand tu sonnes là, ils font beaucoup ça aux États-Unis, t'as juste fait le truc le plus marrant à faire avec ce... Enfin c'est juste des petites contraintes parfois, et chacun a sa façon de faire, et c'est des gens hilarants. Et justement je trouve que sur les dernières saisons au UK, il y a une personne justement handicapée qui a une paralysie cérébrale. Et en termes, je trouve, d'inclusivité, c'est incroyable. J'ai oublié, c'est Rosie. C'est la meuf qui est dans aussi The Big Fat Show avec, avec Jimmy Carr, je crois. Du coup, et qui va pas. On va pas faire. Enfin, qui dit, bah ça, tu peux pas le faire. Enfin, tu seras nul parce que tu peux pas. Elle embrasse les choses. C'est elle qui a justement Shotgun sur ces blagues-là. Et je trouve ça exemplaire. Et de toute façon, aux UK, ils sont excellents là-dessus. Donc c'est gratuit, faites-vous ce cadeau-là. Ouais. Ça va arriver, je pense, lourd. Et je pense que c'est déjà dans les tuyaux, parce que bon, on n'est jamais très fort pour avoir des trucs originaux. Mais trop bien, quoi. Et c'est comme là, les traîtres qu'on a vu sur M6. Là, il y a la dernière saison en UK. Ouais. Qui est incroyable aussi. Ouais. Et vraiment. Rosie Jones. Et donc voilà, Taskmaster, c'est gratuit. Il y a toutes les saisons sur YouTube. Là, il y a les 10, là, la dernière sur YouTube. Après, bien sûr, il y a Australie, Nouvelle-Zélande, qui est très drôle aussi, Amérique et tout ça, et un peu comme LOL qui ressort. Vous pouvez checker ça. Non, mais c'est sublime. Mais c'est vraiment une super. Et juste un dernier shout out pour un podcast qui s'appelle Si c'est vrai, c'est très grave, avec des femmes formidables, et Tunis Hilton, Nadia, une des femmes les plus drôles. Très drôle sur Insta aussi. Karif, produit par Julien Pagnac, et ça me fait mourir de rire. Et voilà, Si c'est vrai, c'est très grave, surtout vos applis de podcast. Très bien. Adrien Miel. Petite Alors, abeille. Comme on l'a abordé précédemment, j'ai rejoint la communauté des makers. Putain. Donc du coup, déjà, dans un premier temps, je me suis replongé dans les vidéos d'une youtubeuse que je regardais beaucoup il y a quelques années et j'avais un peu mis de côté. C'est Simone Yetch. Alors, ça se prononce Yetch, mais ça s'écrit G-I-E-R-T-Z. Et c'était c'est une meuf qui s'est fait connaître à la base parce qu'elle se faisait appeler la Queen of Shitty Robots. C'est-à-dire qu'elle faisait des robots, mais c'était de la merde, ça ne marchait pas et tout. Bon, maintenant, elle est effectivement devenue quelqu'un qui sait parfaitement construire des trucs très bien. Donc c'est vraiment... c'est ça, c'est une chaîne de quelqu'un qui fabrique... Notamment, par exemple, elle a fait une vidéo où elle dit « Je veux un... » Comment on s'appelle? Les trucks, là, putain, j'ai oublié. Un Monster Truck. Non, tu sais, les... Un SUV. Non, les... Quoi? Oh, c'est un terrible. Bateau. C'est terrible. Comment ça? Un abattoir. Non, mais tu sais, un pick-up truck, voilà. Un pick-up. Elle dit « Je veux un pick-up truck tel Tesla ». Mais ça n'existe pas. Et du coup, elle achète une Tesla et avec des gens, il la transforme en. D'accord. Mais c'est pas toujours des gros projets comme ça. Parfois, ouais. C'est juste des trucs. Elle fabrique des trucs pour chez elle et tout. Enfin, c'est toujours. Elle avait notamment. C'est elle qui avait inventé les cintres qui se replient là pour les petits espaces. Les trucs qu'elle a commercialisés. Il y a un épisode aussi où elle dit. Quand je suis à mon bureau, toujours mon chien, il veut se mettre à côté de moi, mais c'est chiant quand il vient sur mes genoux. Donc elle fabrique une chaise où il y a un espace à côté avec des escaliers pour son... Enfin, plein de trucs comme ça, elle fabrique des trucs. Oui, donc c'est non seulement elle le fabrique, mais les idées sont bonnes et marrantes. C'est quoi. Cool, ouais. C'est chouette et elle est marrante. Et c'est feel good, tout simplement. Qui a eu une grosse maladie et qui s'en est sortie. Oui, elle a eu, c'est très grave. Elle a eu une tumeur très non cancéreuse, je crois, mais une tumeur au cerveau. Et elle a documenté ça et c'était chaud. Et le moment, c'était chaud. Ouais, ouais. Parce que, bah, bref, bah, en tout cas, elle s'en est sortie, elle va mieux et elle continue les vidéos. Et c'est très marrant parce que je sais pas si j'ai un déjà vu, mais j'ai l'impression d'avoir été ici même et on avait abordé ça peut-être dans un ancien. Peut-être parce que je l'avais recommandé il y a très longtemps. Ouais, on l'adore. Ça fait 10 piges, ça fait 10 piges. Putain, hein, c'est incroyable, j'en peux plus quoi. Ouais. Et du coup. Vu que je suis un maker, oh, je me suis mis à regarder à fond les vidéos des frères Poulain sur YouTube, qui sont des youtubeurs qui ont une chaîne de DIY. C'est deux frères qui ont leur atelier qui est immense, d'accord, oui. Et ils fabriquent des trucs et ils expliquent et je non mais je comprends, je regarde ça à fond en ce moment tout le temps et possiblement au moins un des deux nous écoute peut-être, ouais. Puisque j'avais reçu quelques DM. Donc voilà, les frères Poulain, allez regarder, donnez de la force. Putain, SO. Je le dis, donnez de la force, donnez dans le Tipeee, donnez tout ça. Non mais moi ça, je sais que si je mets un orteil là-dedans, je peux me faire bouffer parce que je suis tombé. Je regardais une vidéo de Fekalito sur genre ils ont filé une machine en bois à un gars qui fait ça. Et très vite quand il expliquait, qu'il montrait, qu'il voyait, tu voyais ce qui se passait et tout, j'étais genre putain j'adore. Non mais c'est franchement, mais il y a énormément de contenu parce que ça fait plus de 7 ans je crois qu'ils font ça, ouais. Et ils font ces trucs et ça donne envie quoi, voilà, ils me donnent envie de, voilà, j'ai envie de me mettre à Home Assistant, voilà, je le dis, c'est dit. Envoyez-moi le... Eh bien quant à moi, je vais vous conseiller un film qui est sorti il y a longtemps mais je l'ai vu il y a pas longtemps, mais non, j'étais dans une nouvelle ère. Oh mais voilà, encore, bah c'est non trop mais grave. J'ouvre plusieurs arcs moi ouais, en même temps. Ouais, t'es Robin des Bois. Je suis Robin des Bois. Ouais, tout à fait. Et je suis allé voir Gladiator 2, qui est pas un film que j'ai surkiffé, mais qui me trouvait qu'il y avait des trucs grand spectacle. Ton sosie normalement. Bah pourtant. Notamment. Rappelons-le. Je me suis trompé d'adverbe. Mais dedans, il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Denzel Washington, qui est toujours exceptionnel. Et il s'est regardé quoi? L'Equalizer. Non, mais je me suis regardé un film, effectivement. J'ai eu des envies de Denzel Washington. Et donc, j'ai regardé La Tragédie de Macbeth. Qu'est-ce que c'est beau. De Joel Cohen. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde loue la beauté plastique du truc qui est effectivement extraordinaire. Mais j'ai. En fait. Parce qu'étant un beauf, je ne connaissais pas Macbeth, moi. Shakespeare. L'histoire de Shakespeare. J'en sais pas plus que ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça. Ça peut être... Non, mais donc, du coup, j'ai découvert tout via le film. Et je vous conseille Shakespeare, hein, c'est pas mal. Envoyez de la force à Shakespeare. Non mais là il y a un truc vraiment chouette parce qu'il y a pas que lui en plus, parce qu'il y a donc il y a Carly Plash, Macbeth et Carly Plash. Exactement. Non mais il y a des Washington. C'est une vanne là. Oui. Ah oui, d'accord. Macbeth et Carly Plage, les youtubeurs. Oui, oui, bien sûr. Et celle qui joue sa femme, Lady Macbeth, c'est Frances McDormand, qui joue dans tous les films de Mark Cohen et qui était dans Three Billboards, exactement. Voilà. Donc voilà, et ce couple-là, donc des acteurs très charismatiques, et c'est un bonheur parce qu'il n'a pas touché. Oh, j'ai pas l'impression. C'est très à l'ancienne, les dialogues. Donc je sais pas si c'est le texte original ou il l'a peut-être un poil adapté, mais ça ressemble à du texte original. Mais le charisme des deux fait que tout passe. Et je te fais pas chier une seconde, c'est vraiment bien. Ça a de la gueule, l'histoire est incroyable. Et effectivement, la lumière est magnifique, le cadrage est magnifique, mais l'histoire est exceptionnelle. Donc voilà, moi j'avais mis du temps parce que je m'étais dit, oula, parce que c'est en noir et blanc, tout ça. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais peut-être me faire chier. C'était il y a deux ans, je crois, boudé aux Oscars, peut-être l'année de Green Knight ou je sais plus quoi. Et c'est ça, mais là, en fait, c'est sur Apple TV, c'est un film Apple. Donc du coup, si vous avez Canal ou Apple TV Plus, je sais plus comment ça s'appelle, bah vous pouvez, voilà, regarder The Tragedy of Macbeth. Donc avec des. Et c'est réalisé par Joel Cohen, un des frères Cohen. Oui. Qui là est en solo et j'ai adoré ce film. Donc voilà, je vous le conseille. Et à propos d'Apple, aujourd'hui, c'est le Severance Day. C'est le retour. Ah ouais, c'est aujourd'hui. Eh oui. J'ai jamais réussi à mater la première. Voilà. Allez. Pareil me l'a dit. Il faut que tu regardes ça, va trop te plaire et tout, mais j'ai. Ah, il a dit que j'ai survendu. Non, mais je vais. Mais parfois, j'arrive pas à rentrer dans un truc et je m'y remets. C'est comme ça. Je m'y remets plus tard et bam, c'est parti. Mais des fois, c'est juste pas le bon moment pour regarder un truc. Mais bien sûr. Je suis un être complexe. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, t'as des failles aussi. Je sais pas si vous voyez le petit labyrinthe au dos des paquets de céréales. Mais c'est Adrien pour moi. C'est Adrien. C'est ça, quoi. Tu dis c'est là et hop là, non, c'est un cul-de-sac. Je suis le labyrinthe, mais je suis aussi la mascotte, quoi. Mais c'est pour ça que je disais la paquet de céréales. Parce qu'on rigole, on s'amuse, mais. T'es Tony the Tig, mon pote. Ouais. Foot basket. J'aimerais. Pareil. Oui, c'est vrai. Bah attends, évidemment. Oui, mets un petit foulard rouge, s'il te plaît. Mets un petit foulard rouge. C'est Renaud. C'est Renaud. C'est Renaud avec le bras ballant. C'est Renaud. Ah, il est sur TikTok en ce moment. Beaucoup de gens prennent des selfies avec. Moi, il faut laisser tranquille. Ouais, ouais. Moi, Renaud tranquille. Ouais. Mettez en taule les gens qui font ça. Ouais, voilà, laissez Renaud tranquille. J'aime bien. En train de le filmer. Ah, quelle horreur. Ça, c'est enfer. Horrible. Vous n'avez donc rien appris. Je suis à deux doigts. J'espère qu'ils se rasent le crâne. Laissez les gens tranquilles. Non, mais puis de tout. Et de l'enfer de dire ça. Ouais. Bon, allez. Ah oui, on en a pas parlé. Bah oui, mais non. C'est redevenu nul. En fait, c'est ça. C'est toujours pareil. Ça va trop vite. Mais sauf qu'elle a quand même été chez Guillaume Play. Donc, en même temps, ça équilibre. Oui, bah. Ouais, voilà. Évidemment, j'ai pas ce qu'on veut dire, évidemment. Ouais. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci pour l'invitation. Nous, toujours un plaisir, toujours, Pierre, de te vous retrouver. Vous l'avez réclamé à corps et à cri. Où est plaisir. Pierre Lapin? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est père de famille? Trop accable pour vous? Trop politisé. On est là. Voilà, on est un peu en retard, mais voilà. Voilà, non, bah, vous avez des petites. En fait, mais il y a eu des épisodes jusqu'à début janvier aussi. En fait, vous avez charbonné, les gars. C'est-à-dire que d'habitude, on prend la pause Noël. Jour de l'an, et là on l'a pris après le jour de l'an, voilà, c'est tout. Oui, mais on fait rarement deux semaines. Ah si, bah tous les ans. À chaque fois. Une seule année depuis 10 ans, quoi. Voilà. Non, mais voilà, un vrai plaisir, Pierre. Pour dire aux gens, si vous n'avez pas eu assez, vous n'avez pas eu votre dose de Pierre Laps, pardon GPT, avec Rémi Boy. Et attention, bon Rémi Boy. Il est pas en train de s'excuser d'avoir commis une flatulence. Oh non, mais je le dis parce que c'est un jeu de mots. Mais noms. Oui, le titre. C'est ça que j'ai déçu beaucoup de gens avec ce titre. Enfin, les gens ont dit Pierre Lapin utilise l'IA. Ouais, c'est dans le. Non, pardon, j'ai pété quoi. Ouais. Bah, en tout cas, justement, c'est ça. C'est une émission créée via IA. Vous avez aussi un petit assistant personnel. C'est ChatGPT. Effectivement, c'est l'histoire de se moquer un petit peu parce qu'il faut savoir que ChatGPT c'était très compliqué et on se servait, on disait que c'était ChatGPT qui nous demandait de créer le meilleur podcast du monde et donc du coup on suivait un peu ses ordres et c'était complètement claqué au sol comme disent les jeunes. Donc on aime bien rire un peu de cette technologie là et de pousser les choses qui en fait une excuse pour interviewer des gens, rire avec eux, voilà. Et on écrit beaucoup au final. Bah oui, c'est ça. Moi quand j'écoute le truc, je le sens, je fais c'est taf de malade en fait, surtout, faut créer des jeux, des machins, des voilà. Puis là on a une formation live, on va dire. Oui, on vous fait faites des enregistrements beaucoup de live. Public à la mécanique ondulatoire et donc du coup là cette vibe un peu que moi je projetais un peu dans Comédie ou Robin des Bois où on fait un peu du petit théâtre à la con. Rémi a fait de la magie récemment. Il a fait de la magie. Rémi Mystérieux qu'on embrasse. Rémi Mystérieux. Et donc ça, on s'amuse vraiment et c'est trop trop plaisant. Donc là, on va reprendre le 9 février la mécanique ondulatoire si vous voulez. N'hésitez pas à écouter, pardon, GPT. Et là, c'est tous les 15 jours, mais on va reprendre le rythme avec les enregistrements publics et voilà quoi. C'est pas très éloigné. Enfin voilà, il y a beaucoup d'invités Floodcast qui ont été chez vous. Non, mais je veux dire, c'est un mood similaire. Donc on si vous aimez le Floodcast, on est tous les deux, effectivement. On s'est beaucoup amusé. Et si vous aimez le Floodcast, il y a quand même de très grandes chances que vous aimiez, GPT. Bien. Voilà. Et toujours sur Twitch. Zu à la prod. Et toujours sur Twitch. On regarde les mystères de l'amour, hélas, entre autres. Et on continue, on a commencé avec Florent la tier list de Camping Orchestra. C'est vrai, c'est vrai. J'ai participé à l'épisode. Ouais, j'ai participé à un épisode où on a classé un petit peu les chansons de Huck. Il n'y avait pas Bonne année pour baiser, mais. Non, que j'ai découvert plus tard. Sauf aux yeux comme une bite au cul, n'hésitez pas à checker ça. Checker, évidemment. T'as un peu fait le truc que Yvick nous avait dit qu'on allait faire. Oui, non, lui, c'était créer une chanson. Là, c'est vraiment, tu dois les classer. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Du coup, toujours sans moi. Le point commun entre les deux, c'est que moi, il n'y a pas moi. Alors, sache que ça s'est fait au déboté. J'étais dans le chat. Bah, j'étais sans doute hyper occupé, pas du tout seul chez moi à ce moment-là. Donc, bah, j'étais dans le chat et j'ai dit vas-y, et j'ai branché le micro. Ça n'a pas été plus rapide que ça. Okay, t'inquiète pas, Adrien. Non, mais après, vous savez que. Ah, mais c'est ton clown et en même temps, c'est la star. Je rigole. Par contre, quand je réclame, là, offrez-moi la NBA là. Bah, tu viendras pour le volume 4 si tu veux. Ouais, un grand plaisir. Allez, voilà. Oui, recentre quand même la NBA, parce que vu que t'as demandé plein de trucs. La NBA, là. C'est le retour d'ailleurs de Wembanyama. Le retour en France. Dire. Oui, bien sûr. L'enfant chéri. Il est grave grand. Alors j'écoutais d'ailleurs les grosses têtes. Oui. Et sachez qu'il a accepté de faire 3 médias. Mais non. Il fait France Inter, TF1 et Picsou Mag. Ah, j'adore. Et ça, j'ai trouvé ça très stylé. Il est, on l'aime bien. Mais ouais. Je pense, est-ce que il est comme ça naturellement ou est-ce qu'il a une très bonne équipe de Je sais pas, mais j'ai trouvé ça stylé. Que... Allons savoir. J'ai en place une d'ailleurs, petite reco vite fait, le podcast Airball, qui est co-animé par Urbain, qui est fan de basket. Des 237 podcasts d'Urbain. Donc oui, c'est ça. Mais là, l'avantage, c'est que c'est pas Urbain qui organise. Donc c'est régulier, c'est carré. On le taquine parce qu'on l'adore. J'étais à la Adidas Arena avec Urbain il y a quelques jours pour aller voir le Paris Basket. Ça m'a remis dans la NBA. J'ai pris le League Pass. Allez. Voilà, je le dis. Très bien. J'ai déjà arrêté de regarder les matchs. Et bientôt sur Twitch, on l'appelle. Moi ? N'hésitez pas à le demander à Fab. Il y a encore du Hot One ou pas d'ailleurs ? Écoute, là je suis dans une période où je me dis soit. Il n'y a pas d'émission en ce moment, soit je suis viré, je suis pas au courant. Tu sais pas, d'accord, go, là, juste. N'hésitez pas, voilà. Non, mais je pense que oui, bah écoute, on m'a pas annoncé que j'étais viré, donc je pense que je suis toujours auteur dessus. Non, mais je savais pas s'il y avait d'autres épisodes, ne serait-ce que ça. Peut-être que ça se trouve, Je crois qu'ils l'ont annoncé, il y a un autre. Il y en a d'autres, ok, d'accord, très bien. Super. Voilà. Génial, et ça écrit toujours. Ça sent la nourriture, ça me donne très faim. Ouais, je sais. Mais on va avoir arrêté. J'ai croisé d'ailleurs quelqu'un avec qui tu travailles en ce moment, à l'Alpe d'Huez. Bien sûr. Qui t'adore, qu'elle l'adore. Oh non. Elle l'adore. Attention, faut pas trop en dire, mais c'est Balasco. Non, mais voilà. On a parlé de toi en bien. Voilà. Et ça m'étonne pas, Florent. Moi, bon, j'écris aussi, là, en ce moment. Et puis non, mais alors, je suis désolé, mais voilà, nous les Leroys. Mais putain, sur Canal. Sois pas désolé, en fait. Voilà, je sais que. Partagez vos codes. Je me fais vanner sur le fait que j'en parle tout le temps, mais c'est comme Balatro. Faites un film en fait, après vous pourrez vanner. C'est vrai. Faites-le le film. On verra si vous en parlez pas. J'aimerais faire un petit big up, enfin pas un big up, mais en parler vite fait parce que ça m'a fait hurler de rire. Un médium. Ouais, un up. Un up de taille raisonnable. Ah ouais, je vais même pas le quantifier, enfin je vais pas le mesurer, c'est un up. Télé-loisirs, parce que Télé-loisirs titre des trucs pour parler des émissions. Enfin, tu vois, ils trouvent toujours des petites anecdotes, des petits machins, et ils ont mis en nom d'article "Nous les Leroy, ce drame personnel vécu par le réalisateur est à l'origine de cette comédie avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia." Ah oui, intense. Drame personnel, tout va bien. Ouais. C'est un truc que vivent beaucoup d'ados. Oui. Voilà. Du divorce de tes parents. Oui, c'est ça. Moi, je dirais juste un drama. Oui, c'est un drama. C'est tout. Le multiple. Mes parents sont moins déchirés pour moi que eux pour le multiple quand même. Vraiment beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon, chers amis, ça m'a fait trop plaisir. On reprend les enregistrements hebdo. Voilà, et c'est reparti. Bonne année pour baiser, putain. Allez, on le répète. Allez, ciao. Salut. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.